En direct du Mallette Center, vous écoutez l'épisode 1 de la saison 2017-2018 de la soirée du podcast. Yeah! Oh, GF! Ben oui, toi! Ben oui, nous sommes une émission de discussion sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle, bien sûr, avec passion et boisson. Des sujets chauds couverts par des gauchos. Pour les gens qui se joindraient à nous pour la première fois, en fait, savoir un peu ce qu'on est la soirée du podcast dans cet épisode spécial de repêchage. Premièrement, on n'est pas ici d'habitude, JF, on est chez vous ce soir. Non, c'est ça, c'est une exception aujourd'hui qui est en train de tranquille. Oui, c'est une tradition, qui combine faire des jasettes, manger du PFK puis être malade puis faire un épisode spécial. Pendant que le repêchage, qu'on va couvrir ça aujourd'hui en direct. Ben oui. En essayant aussi de penser qu'il y a des gens qui vont écouter en différé, tu as plein d'informations à donner au c'est long ça. du repêchage. Là. Le Canadien ce soir qui repêche 25e, ouais. L'année passée, c'était plus bas que ça, c'était 9e, je pense. Puis, ouais. En tout cas, le bon Marc nous avait donné bien du contenu. Hâte de voir s'il va réussir à bouger. Tout à l'heure, il y avait des rumeurs que peut-être qu'il allait chercher le premier choix au repêchage. Évidemment, ça arrive à peu près jamais, ça. Là. Non, écoute, la dernière fois que c'est arrivé, je pense que c'est Lindros, mais il avait même été repêché par les Nordiques avant d'être échangé. Fait que, ouais, c'est ça. Là. Écoute, c'est quelque chose de très, très rare. Là, fait que j'y croyais pas. Là. Puis la raison pourquoi que le monde parlait de ça, c'est parce que les Devils se sont montrés intéressés à Alex Galchenyuk. Ouais, en ce moment, Galchenyuk qui est encore sur le marché, si on veut. Là, ouais, semi-officiellement. Il y a bien de l'intérêt pour Galchenyuk présentement, mais il se passe rien. Puis, non. Pendant qu'on voit un gars qui manque une coupe de dents en ce moment. Je sais pas c'est qui lui, Calis, mais il a l'air d'un gars extrêmement vieux, hein, un hobbit. Ah, c'est Pierre Mondou. Chris, il était à Montréal, lui, avant. C'est lui qui a repêché toute la marde avant Timmins. Tu passes ça de même déjà? Non, non, c'est vrai, Pierre Mondou. Finalement, ça va te le prendre, le call out finger. Wikipédia, moi, il sac, ce gars-là, puis tu vas voir. Pierre Mondou, retructeur du Canadien de Montréal dans les années 90. C'est excellent, ça. Ouais. Puis le bon Renault, qui est toujours près des gens. J'espère qu'il s'est brossé les dents. Mais ça, c'est pour une autre chose. J'ai mis les commentaires Facebook. Je vais aller y prendre du mieux que je peux. Il y a Seb Brutal qui dit yes, sir, hostie. Yes, sir, Seb. On va t'en donner du stock, check bien ça. Ouais, GF, ce soir, en fait, c'est le seul. C'est probablement mon show préféré de l'année parce que c'est le show dans lequel j'ai rien à faire parce que c'est tout toi qui as préparé le stock. Ouais. Moi, je suis là comme pour dire des commentaires de merde puis rire justement des coupes de cheveux de Pierre Mondou. Là. Ouais, dans le fond, j'ai fait mes devoirs, j'ai étudié chaque équipe. Puis c'est ça a donné que j'ai un petit dossier ici avec des informations sur tout. Mais toi, t'es un gars qui écoute la radio à Buffalo, de toute façon. Là, ah, moi, j'écoute tout ce que je peux manger comme information, je le mange comme une éponge, tu sais. J'absorbe tout. Ou comme du PFK, tu le prends et tu le manges. Oh, ça rend tout seul, ça. Bon, vas-y, commence avec tes infos aussi. Ben là, on peut commencer par l'équipe qui repêchait premier aujourd'hui. C'est les Devils du New Jersey. Et puis, moi qui n'ai pas de surprise, ils ont repêché Nico Hischier. Un Suisse qui joue dans la LA Machimenku de la Ligue junior majeure du Québec. J'essaie toujours de le dire d'une chose, mais je suis pas capable. Genre, pour moi, c'est pratique. LHJMQ. C'est ça. La Ligue de hockey junior majeure du Québec. Voilà. Nico Hischier, qui, selon le propriétaire des Mooseheads, qui a coaché McKinnon et Drouin, pas coaché plutôt, mais dirigé, a dit que Nico Hischier est un joueur qui était plus complet que ces deux gars-là, ce qui est quand même un très beau compliment. Là. Et puis, c'est le prochain Henrik Zetterberg, selon les experts. Alors, tant mieux pour les Devils, parce que honnêtement, là, on disait tantôt qu'il était en négociation pour Galchenyuk. On s'entend que les Devils ont fuck all dans leur club. Là. Ben, t'as rien à donner. Là. Fallait que tu donnes ton premier choix, sinon, oublie ça, Galchenyuk, pour les Devils. Ben, c'est ça. C'est quoi, si tu veux ramener des Devontae? Bah, oui, t'es Devontae. Il est chez eux, est-ce que tu es en train de manger du poulet frit? Alors que les dirigeants des. Ah, là, c'est Ron Extall qui a drôlement maigri, hein, on dirait. Ouais, aussi. Il y a des longs bras. Petit Claude aussi a beaucoup maigri, il a beaucoup bronzé. On en parlera tantôt quand ce sera leur tour. Mais... Oui, il a joué au golf cet après-midi avec tous les entraîneurs de la Ligue. Fait attention de ne pas frapper avec un bâton. Il a pris une marche, mais là, il ne sait plus trop où aller. Mais ben, ça aurait changé quoi qu'il a remonté par la gauche ou la droite? Parce qu'il faut qu'il passe devant le logo de la NHL, c'est dans les contrats. Ben, dans le fond, si on peut parler rapidement des Flyers de Philadelphie qui ont carrément monté. Eux autres devaient repêcher peut-être 7-8e, puis ils ont gagné la loterie en repêchant 2e. Mais l'affaire qui serait spéciale à surveiller avec cette équipe-là, c'est qu'il y a une congestion au centre, mon GF. Contrairement à Montréal, en tout cas. Nous autres, on manque de centre. Eux autres, ils en ont tôt. Claude Giroux, Sean Couturier, Brandon Chen, qui joue à l'aile présentement, mais peut jouer au centre. Puis Valérie Filppula. Là, d'après moi, si on suit la logique, selon la majorité des experts, le prochain joueur qui va être repêché, c'est Nolan Patrick. Je pense justement c'est lui. Là. Et oui, c'est Nolan Patrick qui est repêché par les Flyers de Philadelphie. Nolan Patrick, qui est considéré comme étant le prochain Ryan Getzlaf. T'as des comparaisons comme ça pour tous les joueurs, j'espère? Juste les 10 premiers, parce que les autres... Écoute, j'ai plus de temps. Je manque de temps. C'est-à-dire. Des priorités de GF dans la vie, voyons. Je vais pouvoir vous dire quel type de joueur que c'est, mais je ne pourrais pas vous dire de quel genre de joueur il est. M'a dit, ça va être bien dans la marche, je pense. Parfait, ça. Mais juste pour venir à Nolan Patrick, mon nettoyeur m'a donné un rapport sur ce gars-là. C'est ton nouveau contact cette année, c'est ton nettoyeur? Mon nettoyeur, c'est le gars qui trippe Ligue junior majeur. Ah ouais, pour vrai, il y a du monde. Il va voir des games au Québec, il va voir des games en Ontario, il capote, il écoute ça. Ah, c'est cool, ça. Il trippe plus à écouter ça que d'écouter des games de Ligue nationale, tu sais. Puis j'ai demandé, il dit, j'ai parlé de Nolan Patrick, si tu veux qu'il va sortir premier, si tu Nico Ishii. En passant, je sais pas comment on prononce son nom de famille, fait que ça se peut que ça soit pas Ishii, là. Ben, on est habitué avec tes prononciations, on est incroyable. Mettez ça sur le dos des malétismes, si jamais c'est pas ça qu'il fallait dire. Puis si on a des fans de Suisse, mais s'il vous plaît, dites-moi comment le prononcer, puis je vais me pratiquer. Ben, écrivez-nous en langage phonétique sur Twitter, s'il vous plaît. C'est ça, tu sais, genre, mettons un oiseau pour prononcer telle syllabe. Non, ça, c'est des hiéroglyphes, mais passe à autre chose. OK. Ben, Nolan Patrick, apparemment, c'est un gars qui est paresseux. Ça ne tente pas tout le temps de jouer. Ah ouais? Okay. Ça me fait penser un peu à genre Alexandre Daigle. Oh, Chris. Dès qu'il était super bon dans le junior, mais qu'après ça, tu sais, dans le fond, ça a l'air que c'est son père qui le faisait forcer à jouer au hockey. Mais Nolan Patrick, qui était supposé d'être numéro 1 au repêchage, malheureusement, ça a droppé d'une traite parce qu'il y a eu des blessures sérieuses au cours de la dernière saison. Il y a Seb qui dit le beau centre de 6 pieds 2, le beau Nolan, là. Oh oui, ça c'est sûr et certain. Fait que, garde, avec la congestion qu'on avait dit tantôt, là, Giroux, Couturier, Chen et Filppula, là, t'as Nolan Patrick qui peut-être va être prêt pour jouer là. On nous précise à la télévision qu'il a juste joué 33 games cette année, puis il y avait une hernie sportive, en plus d'avoir un problème aux abdominaux. Deux blessures pour le petit Nolan. Ça a dû faire mal quand il allait aux toilettes. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Ça pourrait être un partenaire intéressant pour le Canadien, ça, les Flyers avec Galchenyuk, là, je dis ça de même. Là. Ben, c'est sûr que si on irait chercher qui en retour de Galchenyuk, si tu passes Galchenyuk, faut que tu reçoives de quoi de gros en retour. Tu peux pas te débarrasser de lui pour rien, là. Claude Giroux me fait peur à cause de son contrat et qui est en déclin. Ouais, ouais. Sean Couturier, c'est un bon two-way, tu sais. Il est bon en avant, il est bon en arrière. Il m'intéresserait. Brandon Chen, je dirais pas non, mais c'est un autre joueur de centre qui joue à l'aile. Puis là, c'est rendu que le monde se chicane. Si tu es un centre, si tu es un ailier, ça ne tente pas de revivre ce débat-là. Ouais. Fait que ça pourrait être des bons partenaires, mais à suivre. À suivre, je te dirais. Mais à surveiller les Flyers parce que possibilité qu'un joueur de centre soit échangé. On attend toujours que le bon Marc fasse un move là, en ce moment, quelque chose, s'il vous plaît. Là. Vas-y, Marc, t'es capable. Ouais, parce que dans le fond, monte ta position de repêcheur. Si on recule un an en arrière, il avait fait deux transactions en partant. Ouais. Deux choix de deuxième ronde pour l'harceleur sexuel, puis deux choix de deuxième ronde pour aller chercher Andrew Shaw. Puis nous autres, on a quand même trippé un peu. T'sais. Andrew Shaw, on s'entend que c'est un bon joueur, contrairement à beaucoup de supposés experts disent le contraire sur Twitter, mais je m'en excuse. C'est laisse pas de ma faire le monde sur Twitter. Là. En tout cas. C'est nous autres la référence site. C'est ça. Une autre bière. Eh oui. T'as posé ton Carey Price à l'envers, mais ça, on n'en parlera pas. Ben non, c'est ça. Je viens de le remarquer là, puis ça fait depuis les fêtes que je l'ai. Mais il était tard quand je l'ai installé. J'ai même pété le bâton du mini chez Weber. Ben ça, c'est une autre affaire. Je sais, là, aujourd'hui, là, si j'aurais un 2 piastres à mettre sur la table, GF, là, ouais. Je pense que Bergevin, ils vont aller chercher un défenseur gaucher aujourd'hui. On n'a jamais trop de défenseurs, même si en ce moment, c'est ce qui manque le plus dans le Canadien. C'est... Là, c'est fou. Là, on n'a pas pantoute là, à gauche. Là. On a fait une petite mini-transaction l'année passée. Ben, pas l'année passée, mais hier, qui ont cherché David Schlemko in your butt. Puis là, on a fait même une autre transaction en Jean-Antoine Drouin pour partir, si on veut, là, notre festival de recherche d'attaquants. Ouais. Fait que ça va être à suivre. Là, c'est. On n'en parlera pas d'ailleurs pour l'instant de Drouin. On va attendre l'épisode spécial de cet été. Il est trop tôt pour parler de la formation de l'équipe parce qu'il y a trop de tôt. Fait qu'on va laisser Marc faire sa job. On va laisser le sujet pour un prochain épisode, mais moi, je suis bien content en tout cas. C'est ça. Puis là, on voit à l'écran même Jim Neal, qui est le DG. Ah, les Stars de Dallas. S'amène sur le stage. Je peux te dire une chose sur Jim Neal? Ouais, vas-y fort, Jeff. Quelle épée. Ce gars-là, là, le trouble de Dallas cette année, là, c'est leur goaler. Ils ont été à chier, Jeff. C'est incroyable. Ils n'ont même pas fait les séries. Puis pourtant, ils ont Jamie Benn, puis Tyler Seguin, puis John Klingberg aussi à défense, qui est quand même pas méchant. Là. Écoute. Non, c'est pas méchant. Kari Lehtonen et Antti Niemi, deux estis de jambon. Là. Ces deux-là, en salaire, là, ça vaut 15,3 millions. Mais là, vu qu'il y a un problème, là, Jim Neal est allé chercher Ben Bishop. Puis il a donné un contrat esti de 4,9 millions. Là. Hey, c'est, excuse-moi, dans le fond, je me suis trompé dans mes maths, là, mais c'est 15,3 millions juste en goaler. C'est beaucoup d'argent pour deux goalers. Puis lui, là, il espérait que Vegas réclame. Il est dans ben gros, ce gars-là. C'est qui, ce calice? Je sais pas, il y a genre deux mentons dans son menton. C'est ça, on dirait que c'est le gars qui fait des pubs de Mike's, là, qui dit « Hey, fufnette! » Quand il mange les pâtes là, dans le frigidaire. Là. Mais s'il avait été piqué par une abeille. Là. C'est, ouais, oui, il fait une infection. Hein. ben, c'est ça. T'sais, tu peux pas... J'espère que c'était pas ça qui est arrivé, là, mais c'est quoi le plan? Là? Ils vont-tu donner un goaler? Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont en recherche de gardien de but après que le repêchage, de toute façon, a été terminé. Là. Fait que, sont dans le caca, mon GF. Là. Qu'est-ce que tu vas faire avec trois goalers? Si tu en rachètes un, tu es pénalisé. Et puis. Tu peux le passer dans un trade. Faut que tu le donnes, mais tu sais, encore là, c'est pas comme si tu avais un joueur de centre de trop ou si tu avais un défenseur de trop. Là, tu te trouves avec un gardien de but de trop qui coûte au-dessus de 5 millions. Tu es dans la merde. Solide. Mais en passant aussi, le coach s'est fait mettre dehors, Lindy Ruff. Et Ken Hitchcock est de retour derrière le banc des Stars de Dallas. Et là, on voit un nouveau joueur qui a été repêché. J'aimerais ça savoir si qui, c'est dur à dire. C'est Mikko Heiskanen qui est repêché en troisième. Mikko Heiskanen, qu'est-ce que j'ai comme note sur ce gars-là? C'est un défenseur de la Finlande, Mikko Heiskanen. C'est Miro, en fait. Ah, oh, Miro. Miro Heiskanen. Miro. Ça ressemble à la bière avec la bouteille est verte, hein? Heiskanen. C'est la bonne Heiskanen. OK, là, il y a du monde qui vont extrêmement loin. Là. C'est un excellent défenseur finlandais. Yes. Il y a même qui compare le style, on ne dit pas le joueur, mais le style à la Niklas Lidström. Oh, quand même. Là, on voit ici qu'un un bon lancer. C'est un excellent patineur. Fait que d'après moi, c'est un corps arrière que Dallas vient de se pogner, ce qui est très bon parce que la défensive, à part Klingberg, c'est pas écœurant à Dallas. Fait que d'après moi, ils sont bien contents. Ce qu'il va faire le club cette année, ça va être dur à déterminer. C'est toujours plus long un défenseur pour faire l'équipe. C'est pas tout des Aaron Ekblad. Alors, tant mieux pour Dallas. Bon pic. Marc doit être jaloux. Et puis toi, même TVA Sports s'amuse à faire des styles comparables. Eux autres, ils disent qu'ils ressemblent à Ryan McDonagh. Alors, ça doit pas être un 2 de pique. Là, d'après moi, Dallas en va 4 en troisième. D'habitude, t'es pas supposé être un 2 de pique, malgré qu'on a vu souvent le contraire. Là, mais... Ouais, c'était. Ben, écoute, troisième choix, dans le fond. On a. Donc, Miro Heiskanen, sélectionné par les Stars de Dallas en troisième. Ouais, les prochains à parler, mon GF, beaucoup de choses à dire sur cette équipe-là. Ouais. L'Avalanche du Colorado. Oh boy! Ça va pas bien. Non, c'est pas la joie chez l'Avalanche. Puis même eux autres, dans le fond, c'était comme d'un pire club. Fait qu'il y avait beaucoup de chances pour repêcher premier. Ils ont droppé. Au lieu de repêcher dans le top 3, ils ont baissé à 5. Parce que quand t'as la loterie du repêchage, tu peux pas baisser plus que 2 places. Ouais, mais ça va être 4 qui va aller. Là, ils sont 4. Ben, dans le fond, c'est ça. Non, mais ça, c'est le troisième choix. Fait que là, c'est le quatrième. C'est le quatrième. Mais d'après moi, eux autres auraient pu repêcher premier. Il y avait beaucoup de chances, de boules avec leur nom, mais ils ont baissé. C'est pas parce que tu es poche puis tu veux tanker que tu sois nécessairement à repêcher le premier. Fait que c'est fini ce temps-là. Il y a un commentaire dans le chatroom qui dit Pétrécroix. Ouais, mais j'aime ça, commentaire comme ça vite. Puis Pétric, lui. Le bon roi, qu'est-ce qu'il y a, le bon roi Pétric? Il joue au golf. Ah, c'est sûr. Il a crissé son camp avant que le bateau coule. Sûrement qu'il lance ses bâtons en plus dans le bois. Là. Ah, je suis sûr qu'il vise du monde. C'est clair. Là. Mais il y a beaucoup de rumeurs présentement au Colorado. Ce que j'ai entendu ce matin, c'est que tous les joueurs de l'Avalanche Colorado sont présentement disponibles dans le marché des transactions. Parce que Joe Sakic, ça fait 2 ans qu'il est là, a réalisé que tout son noyau d'équipe, les 23 joueurs, c'est tout du monde qui sont pas compatibles ensemble. Ça marche juste pas. Ça pue dans le vestiaire. Il veut faire le grand ménage. Il n'y a personne qui s'entend. Il n'y a aucune chimie. Personne ne se tient par la main quand ils vont prendre l'autobus. Non? C'est l'enfer. Fait que là, le gros nom qui revient sur la table souvent, c'est Matt Duchesne. Puis la dernière équipe à démontrer énormément d'intérêt pour eux autres, c'est les Islanders. Je pense que Gartneau essaie de faire comme une espèce de... Il repêche des joueurs recyclés là, à la Jordan Eberle. Là, ouais. Là, il veut pogner Matt Duchesne. Je pense qu'il essaie de convaincre John Tavares qu'ils veulent bâtir un club gagnant pour leur signer. Là. Mais tu toucherais-tu à ça, toi, Matt Duchesne, si encore on parle de Galchenyuk? Ah, j'hésite beaucoup pour vrai, je sais pas. Ce qui me fait chier, moi, c'est son âge. Il est plus vieux de 2 ans. Fait que je sais pas, tu sais... Puis oui, il joue au centre, ça réglerait le problème, ça serait bon, mais me semble que tant qu'à faire, je préférais garder Chucky. Ouais, rendu là, tu sais, mise sur Chucky, puis essayer de le coacher comme il faut, puis de l'encadrer. Peut-être, je sais pas, c'est dur à dire c'est quoi le problème à Chucky en ce moment aussi, puis sérieux, là, pour qu'il trade Chucky, il faut que tu ailles le jackpot quasiment. Il n'y a pas le doigt de perdre ce trade-là. Ouais, j'ai pas le doigt. Il n'y a pas le doigt, non. Écoute, non, tu vas pas revivre un autre. Je peux pas parler de fiasco dans le tank Subban, mais tu peux pas encore faire un trade et chercher de l'amant. Ça me ferait chier qu'on échange Galchenyuk puis on va chercher un défenseur en retour. Ça me ferait chier parce que on a de la misère à marquer des buts. Fait qu'à un moment donné, Chris, échange les postes. C'est le problème du Canadien. Là, t'as des trous à l'attaque, t'as des trous à défense. Fait que c'est sûr que si tu règles ton attaque en échangeant de la défense, t'as un trou qui se comble, t'en as un qui s'agrandit. Là, c'est sûr. Ben, dans c'est dur à bosser une équipe. Comme qu'il y a des problèmes partout. Là. On n'a juste pas de problème d'un goal, pour vrai, les Canadiens. Non, c'est ça. Ça, c'est sûr. C'est vrai parce que dans toutes les autres positions, puis le bottom six, on pourrait dire. On n'a pas de trouble dans le bottom six. Ouais. Encore du monde. On a beaucoup de bottom six. Là, c'est l'avalanche qui se dirige sur le stage. Il y a Alexandre Girard qui veut savoir à quoi ça ressemble à date sur TV à Sport parce que lui, il écoute ça à Sportsnet en ce moment. Bof, à date, je te dirais qu'il utilise le même design, je te dirais. Le tableau dans le côté avec le joueur, sa position, sa fiche, les nouvelles. Ben, dans le fond, le rang du repêchage par en bas. Techniquement, ils ont juste copié sur Sportsnet. Fait qu'il n'y aura pas de grande différence. Tu as le choix d'écouter Sportsnet avec du monde qui savent de quoi ils parlent ou TV à Sport ou ce que ça dit de la merde. En fait, le seul problème, c'est genre Michael Lancette là, au début, puis Alain Chenet là, qui dit Jonathan Taze. Ah, c'est bon. Oui, puis Patrick Lanet est rendu analyste aussi pour le repêchage, ce qui est triste. Ouais, je comprenais pas la sélection des participants. Alors, oh, on a pogné quelqu'un au jour où. Hey, Chris, il est blond, hein, le gars. Alors, il s'agit de Cale Makar. Cale Makar. Avec un C. C-A-L-E. Kyle, je sais pas quoi. Cale Makar, qui est... Qui est un joueur de l'Avalanche maintenant. Voilà. Tabarnak. Fait des high-fives. Cale Makar, on l'a ici. Il était, selon mon dossier, Alberta était classé 7e. Il jouait dans la Ligue junior d'Alberta, en fait, ce joueur-là. C'est un défenseur. Et c'est un Canadien, on le voit ici. 5 pieds 11, petit gabarit. C'est drôle parce qu'il compare Cale Makar à Tyson Barrie, qui est présentement avec le Colorado. Fait que c'est un défenseur qui est bon offensivement. Oh, il y a le situ qui a fait de petite mise en échec, là. Ça a l'air d'être un défenseur qui est bien. On verra ce que ça va donner, là. Écoute, c'est un autre projet de 2-3 ans, après moi, ça, là. Oublie ça va pas le team tout de suite, là. Beaucoup d'Italiens, hein, qui sont dans les scouts. Scusi. Fait que lui, il jouait pour la Ligue d'Alberta Junior, Cale Makar. Cale Makar. Écoute, ça va pas bien au Colorado. Puis l'autre jour, François Allaire a callé out Joe Sakic à la radio. Je pense qu'il avait appelé au 91.9. Le Twitter de Colorado avait précisé que François Allaire a été congédié et ne reviendra pas avec le club. François Allaire, c'est le coach de gardien de but qui a coaché Patrick Roy. C'est lui qui a poli le style papillon selon Le Guerrier, le livre de Patrick Roy, écrit par le père de Patrick Roy et approuvé par la mère de Patrick Roy. Et chanté par Jonathan Roy, probablement, en version comédie. La trame sonore, c'est un film, c'est clair que Jonathan en parle, même que je pense qu'il jouerait le rôle de son propre père. Et puis, François Allaire est en tabarnak parce qu'il a dit « Chris, ils m'ont pas mis dehors, c'est moi qui ai donné ma démission. » Que, écoute, c'est une affantillage des fois, je trouve. Ah, oh, ben c'est comme une grande cour d'école avec des gens millionnaires qui s'envoient chier. Puis François Allaire, qui était dans les candidats pour aller coacher les gardiens de but au Canadien de Montréal avant que Stephen White arrive à Montréal, là, il y avait déjà un rapport aussi à la radio où ce que ils ont demandé à François Allaire d'analyser Carey Price, puis il avait carrément dit que Carey Price est un gars qui était immature. La saison suivante, Price gagne le Vezina. Ça le dit que Price, il y avait des photos de lui à Cuba avec genre trois clubs dans la gueule. Ça, c'était avant, mais d'après moi, les notes de François Allaire dataient de 2005. Fait que je pense qu'il a juste pas fait une mise à jour sur ses affaires. Là. Mais je pense que François Allaire, c'est le genre de gars que tu peux prendre puis le mettre dans un bac bleu puis tu peux en parler. C'est fini son temps. Regarde, tu reviens d'Opening National, mon petit François, je pense que tu as passé ton temps. Puis le style papillon, c'est un style qui était hot des années 80-90, mais aujourd'hui, en 2017, les goleurs sont extrêmement en forme. Y a-tu des pop-ups, ces rumeurs? Qu'est-ce que François Gagnon a à dire sur Kale McCarr? Moi, je suis le feed Twitter, comme ça, on peut avoir des informations. Okay, s'il y en a, mais... Il n'y a rien de spécial, par contre. Non, dès que je vois quelque chose qui pop, mon GF, c'est sûr que je te fais signe, là. Mais il y a Seb Brutal qui dit « Hey, les gars, l'échange de Panarin? » Je peux en parler tout de suite. C'est, tu l'avais plus loin ou on peut le garder plus tard? Dans le fond, je le gardais pour la liste des joueurs, mais vu qu'on a la question qui est là, je ne vais pas attendre à dernière minute. On est là pour le monde qui nous écoute live. Exactement. Fait que, écoute, moi, je suis surpris, honnêtement, que Chicago ait fait ce trade-là. C'est une question de peut-être masse salariale parce que Brandon Saad est payé moins cher. Panarin devait renégocier son contrat dans 2 ans. Chapeau aux Blue Jackets. Chris Panarin, là, 152 points en 160 games dans ses 2 premières saisons, puis a gagné le Calder. Selon les analystes à Chicago, si on veut, puis ceux qu'on a au Canada, là, Brandon Saad est un joueur qui est beaucoup plus complet. Fait que responsable défensivement, ça la rondelle, marque quelques buts. T'sais, dans ma tête, je pense qu'il a eu de la misère à marquer quasiment 20 buts cette année. Okay. J'ai pas sa fiche avec moi, là, mais je vais vous la chercher rapidement pendant que je vous donne... mon opinion là-dessus. Pendant qu'on voyait Renaud, le spécialiste de la glace en bas, qui doit poser des questions pertinentes comme il a posé à Marc-André Fleury avec la Coupe Stanley quasiment dans les mains. Fait que Marc-André, tu te fais trader. Qu'est-ce que t'en penses? Quand tu viens de gagner la Coupe. Là. À peine quelques secondes après, c'est manque de respect. Puis il a fait la même chose à Dustin Brown dans le temps quand les Kings avaient gagné la Coupe. C'est comme tabarnak, est-ce que Renaud? Fais-moi donc ta calice d'ailleurs. Brandon Saad, qui a 24 buts, 29 passes, 53 points. Écoute, c'est un jeune homme de 24 ans quand même, il est jeune. D'après moi, il revient à Chicago. Fait que techniquement, Chicago devrait être content. Ils savent quel genre de joueur qui est. Puis Panarin aurait demandé trop cher. Fait que c'est une transaction pour la masse salariale, tout simplement. Mais l'affaire que je comprenais pas, c'est qu'il y a eu comme une affaire avec Marianosa, là. Il y a une maladie. Ils sauvent leur argent, mais écoute, là, ça me montre que Chicago sont vraiment dans la merde à côté de sa masse. Puis année après année, c'est tout le temps la même fucking histoire. Pendant que c'est triste. Que les Canucks s'en viennent sur la scène ici, dans l'aréna. Une autre équipe qui tourne en rond. Ben justement, il y a Fred Dionne qui nous dit « Pire club avec pas d'avenir, les Canucks. Vous autres, c'est quoi? » Ben, les Canucks, puis j'aurais dit les Devils aussi. Ben, les Canucks, ça tourne en rond. Ils ont rien dans leur farm club. Ils sont pires qu'à Montréal. Puis, sur ce que j'avais noté ici, c'est que leur entraîneur a été pointé du doigt et a été colissé dehors par Trevor Linden. Et puis, juste pour mettre une parenthèse, Canadien, je pense que ça fait une couple de mois, là, c'était l'anniversaire du trade de Trevor Linden à Montréal. C'est comme tabarnak, tu mets pas ça, c'ti. C'est un anniversaire, ça compte dans les anniversaires. OK, cette date-là, Throwback Thursday, Trevor Linden s'emmène à Montréal. Ça, c'est un trade de Réjean Houle. C'est comme si tu disais comme telle date, ça coucouille-vous le cancer. C'est comme. Genre. Ouais, là, on n'est pas obligé de fêter ça non plus. Là. Non. Là, on voit qu'un jeune qui était bien en bleu, qui est extrême. Ça, c'est sûr que c'est un Européen quand tu le regardes aller. Il est super grand. Des cheveux blonds. Blond, liché par en arrière. C'est ça qu'il joue dans Harry Potter. Elias Pettersson. Alors que Patrick Eves s'entend avec les Ducks de Anaheim pour 3 ans. 3,1 millions par année. C'est une bonne affaire. Ça, c'est un bon petit allié. Un petit bonus comme ça sur le side. Offrir des bonnes choses. C'est Elias Pettersson. Chris, es-tu dans le top 10, le petit tabarnak? Elias Pettersson, 5e Canucks. Voilà. Eh oui, là. Il est là, le 10e. C'est un Suédois. Je reconnais encore le fameux chandail classique jaune avec 3 couronnes là-dessus. La classique. C'est... Oh, ils disent que c'est un genre de Aleš Emski, ce qui m'excite pas pantoute. C'est comme. Ben, tu sais, c'est un grand joueur. D'après moi, tu sais, c'est Vancouver ont besoin d'avoir des prospects. Fred Dionne, il dit les jumelles vont l'aimer, tu sais, les jumelles à Vancouver. Là. Ben oui, mais ils n'auront peut-être même pas le temps de jouer avec parce que les jumelles sont sur le bord de la retraite aussi. Là. Écoute, c'est 35 ans passés, ces deux gars-là, je pense. Ces deux gars-là. Oui. Je pensais que je m'étais trompé. J'ai dit, je me suis trompé, c'est des gars, tu sais. Mais des jumelles, gars. Alors, pour revenir à Willy Desjardins, qui s'est fait coller dans, c'est un ancien joueur dont on a sûrement tous eu des cartes Pro 7, Travis Green, qui s'en va des à Vancouver. Des cartes Pro 7 qui ne devaient pas valoir grand-chose. Non, pas en tout. Puis l'affaire qui m'a surpris là-dessus, c'est que ses assistants, c'est Manny Malhotra. Ah ouais, pour vrai? Ouais, il va être un de ses assistants avec l'ancien gardien de but qui avait un casse-lettre, Dan Cloutier. Dan Cloutier. Et puis Doug Jarvis, qui était un ancien assistant entraîneur pour le Canadien Montréal sous l'ère de Bob Gainey, qui vont assister Travis Green sur la relance qui est quasiment impossible des Canucks de Vancouver. Ouais. On va voir ce que ça va donner, mais c'est clair que ça ne va pas être playoff encore cette année. Ils n'ont même plus de goaler numéro 1, fait que peut-être qu'ils vont prendre un des goalers poche de Dallas parce que Ryan Miller, je pense qu'il est autonome. Bon, c'est pas mal fini pour lui. Alors, jusqu'à maintenant, deux surprises, je te dirais. Deux équipes pourries repêchent des joueurs qui n'étaient pas classés dans le top 5 encore. Colorado qui repêche McCarr et après ça, ben Vancouver qui repêche Peterson. Il y a une affaire que je me pose comme question, c'est que est-ce que les équipes doivent repêcher le meilleur joueur disponible ou selon leurs besoins? Ça dépend du besoin pour vrai, là. C'est comme en 2005. Si tu une équipe qui va bien et que tu n'as pas un trou à combler, prends le meilleur joueur disponible. Mais si tu es dans la marde. Si tu es dans la marde, prends celui qui va te sortir le plus de la marde ou qui va. En 2005, quand Trevor Timmons a repêché Carey Price, on avait-tu besoin de goaler? 2005, c'était qui était là? C'était Théo. Théo, t'as chier. Théo, avec... non, mais c'est dans les années qu'il y avait bien. Ah, c'est dans le temps qu'il était bon, c'est vrai, dans le fond. Mais ouais, mais c'était Théo puis Pat Jablonski, je pense. Ouais, mais t'as... clairement, ils ont vu que, par exemple, en ce moment-là, c'était comme. C'est un petit bijou là, qui est là. Là ça, c'est un joueur comme quasiment comme un Crosby qui sort du lot. Là, c'est... Fait que c'est comme, mettons, tu repêches, exemple, mettons, t'es sixième. Tu repêches sixième. Là, t'es dans la bande, t'as besoin de défenseur. Mais le meilleur défenseur disponible, c'est un gars qui peut sortir 15e. Tu vas-tu repêcher un défenseur qui est coté 15e ou tu vas repêcher un joueur de centre qui pourrait être un petit joyau justement pour te relancer, par exemple? Ça dépend de toi. Hey, c'est dur à dire. Tu peux faire une sorte d'affaire avec ça, Moi, si vraiment c'est un joyau, le joueur de centre, tu vas le prendre probablement même si tu as besoin d'un ça devient une assiette que tu peux changer après. Eh oui, un atout. Un atout. Moi, j'aime ça, des atouts. Comme dirait le bon Claude Bronzing. Là. Trevor Linden, il n'a jamais changé. Hein, toujours pareil. Il y a comme une mode où tous les anciens joueurs des années 90 deviennent genre directeur général. Oh, mais ça reste dans le monde du hockey, ce monde-là. Là. C'est ça, mais c'est tout le monde. C'est dans ce temps-là, tu n'étais pas obligé à l'école là, jouer au hockey. Là, fait que, là, c'est rendu que c'est eux autres qui négocient de l'argent puis des millions. Puis, bon, j'espère qu'ils ont une éducation ou une formation le soir. Là. Mais, les cours du soir pour être DG. Là, t'as Joe Sakic, t'as Trevor Linden. Après ça, je peux nommer Steve Yzerman. Tu peux avoir Marc Bergevin qui a fait 26 équipes en 10 ans. Fait que, je sais pas d'aller dire qu'il a fait 26 semaines d'école. Marc Bergevin, je sais pas, mais il a besoin d'avoir un cours d'articulation. Alors, on a une nouvelle équipe qui s'amène dans le podium. Les Golden Knights. Les Golden Knights. On va dire ça va être les Knights. Avec George McPhee. George McPhee qui était la vedette de la semaine. Tout le spotlight d'en face. Ah, oh, mais c'est sûr, t'as une nouvelle équipe qui arrive dans la ligue. Là. C'est clair que tout le spotlight. Il y a un repêchage d'expansion juste pour eux autres. Là, un ben, repêchage oui. de choix. T'as l'équipe. Avant de commencer avec l'équipe que Vegas va avoir, Gérald Gallant, qui s'est fait colsser d'or en taxi, va se retrouver entraîneur-chef du Golden Knights. Il pourrait-tu amener Terrien comme assistant? Je sais pas, mais je sonne même. Là. Puis, une affaire que j'ai pas aimée de Gérald Gallant cette semaine, si je peux faire une parenthèse sur ce gars-là, il a dit de la merde sur le Canadien. Ah ouais? Ouais, il a parlé de Nathan Beaulieu parce que, naturellement, un gars de TVA Sports qui couvrait le repêchage de Vegas a décidé de poser des questions du Canadien de Montréal à l'entraîneur de Vegas, que ça fait genre deux équipes qui perdent Montréal. Ça n'a pas de bon sens. Fait que, il avait dit que c'est une grosse perte pour le Canadien de Montréal, que Nathan Beaulieu, s'il aurait la chance de jouer le temps qu'il devrait jouer, pourrait devenir un défenseur d'impact pour l'équipe. Oh, mais c'est pas... Oui, t'as du talent peut-être, mais t'es un imbécile sur la glace. Tu l'as pas plus fait jouer quand t'étais à Montréal, ouais, Chris Dépais. Mais Beaulieu, pour vrai, c'est un cave sur la glace. Il y a pas de hockey IQ, lui-là. Là. Il est trop cocky. Il ne pense qu'à lui. C'est pas un team player. Et puis, il a parlé de... Moi, j'étais sûr qu'il allait partir. De toute façon, il y a eu un statement dans la dernière game qu'ils ont perdu. Le Canadien qui l'a benché. C'est... Ben, juste pour faire une parenthèse encore, là, c'est une autre parenthèse. Une Cody parenthèse. Glass. Cody Glass. Ah, ben tiens. On va revenir sur Beaulieu. On a Cody Glass. Pour les Golden Knights. Qui est le premier joueur de l'histoire des Golden Knights à être repêché par les Golden Knights. Et voilà. Et c'est plusieurs mots. À TVA Sport en plus. Un gars qui a joué pour Portland et puis Cody Glass est comparé à Ryan Johansson, qui est le centre numéro un des Prédateurs de Nashville. C'est un joueur de centre en passant. Est-ce que Gérald Gallant va brûler son premier choix au repêchage pour le faire jouer dans l'équipe tout de suite? Je prendrai mon temps. Écoute, tu viens de repêcher plusieurs joueurs. Fais-les jouer, puis bâtissez ça tranquillement. Visez pas la coupe dans 5 ans. Visez la coupe dans 20 ans. Puis après ça, on va commencer à parler. Peut-être que McPhee sera plus là dans 20 ans, mais au moins, il va pouvoir préparer ça dans les bonnes bases. Pour revenir au trade de Beaulieu, il y a Simon Thibault dans le chat qui nous dit que Gérard Gallant était l'entraîneur de Beaulieu dans le junior. C'est vrai, puis c'est normal qu'il donne qu'il lui lance des fleurs. Ça n'empêche pas qu'il n'avait pas de hockey IQ, puis qu'il jouait comme la merde. Puis que je trouvais que moi, que les années, c'est détérioré, là, Nathan Beaulieu. Ben oui, parce que dans le fond, il a commencé, premièrement, juste en la saison, Jeff a commencé avec Shea Weber, puis après ça, il a fini sur le banc. Puis après ça, dans le post-mortem, il a commencé à dire qu'il pense que c'est un élément important pour le Canadien de Montréal, puis a avoué cette semaine qu'il savait qu'il se ferait échanger après avoir sorti du bureau de Claude Julien. Tabarnak, Nathan! C'est clair, après ça, Bergevin, qu'est-ce qu'il a dit aussi, de Clark et Sticking, là, c'est pas ben oui, c'est fini pour toi. C'était évident, c'est comme façon d'exister de poser, c'est sûr, je le trade d'une façon ou d'une autre, là, lui-là. C'est ça, puis l'autre affaire que Gallant a dit, c'est qu'il parlait de Michel Therrien, puis il disait que Therrien allait rebondir rapidement, que c'est un excellent entraîneur-chef. Fait que dans le fond, il lançait des fleurs à ses anciens amis. Ouais, il est où Therrien en ce moment? Therrien, présentement, je crois que. Il boit de la .5. Il est en dépression. C'est sûr et certain. Et puis, moi, si je serais Gérald Gallant, mais je te suggère, donne-moi ton courriel, puis je vais t'envoyer une invitation à Uber qui pourrait être très pratique pour toi si jamais tu te pognes avec quelqu'un à job. Si on y va rapidement avec la formation de Vegas, mon GF, à l'attaque, ils ont repêché Pierre-Édouard Bellemare, qui est un Québécois qui joue pour les Flyers, Connor Beckley, que j'en ai aucune idée, William Carrier, qui est un joueur de Toronto, Cody Eakin, Eric Oula, William Carlson, Brendan Lipstick, Oscar Lindberg, Jonathan Marchessault, qui est d'après moi un bon move. C'est un Brendan Lipstick. Ça a l'air d'être écrit de même, là. Lipstick? Ouais, Leipzig. Ah, Leipzig, sorry. C'est Lipstick, là, mais j'aime. Il y a James Neal qui se retrouve aussi à Vegas. Ouais. Thomas Nozek, David Perron, selon TVA Sports, c'est Alex Perron qui a été repêché et non David. Ouais, c'est vrai, c'est un fail. Un parmi tant d'autres dans une mort de fail de TVA Sports. Timu Pulkkinen, Chris Tauburn. Et puis à défense, écoute, là, c'est là qui est le fun pour Vegas parce qu'ils ont plusieurs défenseurs. Là, le premier, il disait pas trop fort parce que tu pourrais réveiller Martin qui pleure dans son coin en ce moment pour la perte. Le mur. Puis pauvre épais d'Emlyn qui décide de suivre le Golden Knight sur son compte Instagram pas fort. Comme, à 3 heures. Tout le monde, c'est comme le gros... Le gros silence, tu sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a du suspense. Lui, il suit le compte Twitter de Golden Knights à 3h. C'est sûr qu'à quelqu'un moral aurait détecté ça. Là. T'es-tu cave, voyons donc. J'ai toujours trouvé qu'il était dommé. Avec sa photo que tu t'arrêtes pas de poster sur Twitter, comme découpé tout croche. S'il y a quelqu'un dans nos auditeurs qui fait des t-shirts imprimés, je vous envoie une photo, je veux un t-shirt de ça cet été, c'est clair. Là. C'est tout écœurant. Déformé comme la face de Marge des Simpsons. Là. Oui, ça me faisait penser à un vilain dans Golden Knights en 64, genre les têtes toutes croches. Ensuite, si on y va dans les autres défenseurs, Derek Englund, Jason Garrison, Brendan McNabb, John Merrill, Marc Méthot, et puis pauvre Marc Méthot, on va revenir à lui tantôt. Là. Colin New York Miller. Est sur le stage en ce moment. Ah, c'est Glenn Slater est encore vivant? Ah, oh, ouais. Sacrément, je pensais qu'il est pris sa retraite. Ah, oh, mais s'il a le droit d'être encore vivant, même s'il est pris sa retraite. Ouais, j'avoue. Ça se peut qu'il accompagne l'équipe, c'est un genre, tu sais, des dons gouvernementaux. Si on peut faire une parenthèse, pourquoi que les Rangers parlent si tôt, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont échangé Derek Stepan et Antti Raatta au Coyote de Phoenix en retour de Angelo D'Angelo. Et je pense que c'est ça son nom, mais je suis pas sûr. Puis le premier choix au total, puis eux autres, ils vont repêcher qui? Monsieur Petite Moustache de New York. Les Rangers qui font un grand ménage, qui ont aussi racheté le contrat de Dan Girardi. Ouais. C'est assez spécial. On dirait que là, on est en train de refaire du 109. Alors là, on a le maire de New York. Qui c'est-tu lui? Je pense pas que c'est le maire de New York qui est là. Je pensais que c'était Giovanni Dan Giovanni. C'est le Crypt Keeper. Ils ont l'air tellement heureux d'être là et d'avoir repêché un joueur. Là. Je pense qu'ils ont chacun leur tour de dire félicitations, bravo. Ouais, on est une belle gang de... Ah, qui est love là, le kid? Elias Anderson, un autre joueur de centre. Ça fait... Mr. Anderson. C'est le deuxième Suisse qui s'emmène, dans le fond, qui a été repêché. Et on va aller voir si ce Liam faisait partie du top 10. Parce que tant qu'à pogner un choix au total haut de même, tu t'arranges pour aller chercher au moins un gars qui est bien coté. Selon la majorité des experts, on va aller voir si le gars fils est là. Fils de l'ancien joueur des Nordiques, Niklas Andersson. Ah, ben tu vois, je le connaissais pas, ce joueur des Nordiques-là. Il a pas dû avoir une longue carrière. Tu sais que Dave pourrait nous en parler, mais malheureusement, il est pas là. Non, c'est ça. Il... Dave, envoie-nous des photos de tes cartes de hockey de Niklas Andersson. Ouais, ouais. Puis, non, il est même pas classé sur le top 10, le pauvre petit Niklas. Alors, si je fais une recherche rapide sur Niklas... En fait, Andersson. Ici, c'est pas Niklas, c'est Elias. Ouais, non, mais Niklas, c'est le père. C'est lui qui joue pour les Nordiques. Ah, c'est ça, je me mélange. Oui, on sait lequel des deux qui a été repêché. Elias Andersson. On va vous dire tout de suite, ce gars-là, c'est quel genre? C'est-tu un gars qui fout le trouble? Est-ce qu'il aime le fast-food comme Sergachev qui se fait pogner au McDo par 25 Stanley pendant le championnat junior canadien? Ah, le Chris. C'est ça qui est arrivé. 25 Stanley. Alors, ils disent que c'est un défenseur qui a un talent incroyable. Fait que ça doit être un défenseur offensif qui bouge très bien la rondelle comme plusieurs d'entre eux autres aiment. D'entre nous aussi. Ouais. Puis, je suis assez bon sur la rondelle, je te dis. On voit qu'un scout a dit qu'il est très bon dans le vestiaire. Moi, je sais pas dans quel sens. ouais, je pense que c'est un défenseur. Écoute, c'est un corps arrière qui bouge bien. Puis il a joué, c'est drôle, hein, ici, il dit, il y a des rumeurs qui disent qu'il viendrait jouer pour les Kitcheners de Rangers, les Rangers de Kitcheners, la saison prochaine. Ben, le club école, il va aller directement dans le club école. On n'a pas l'âge, par exemple, ici, là, mais. Ben, d'après moi, il y a 18 ans. Là, on voit, encore là, on voit le nouveau chandail. Ouais, j'avoue, il y a une face prépubère, fait que ça se peut. Fait que c'est quand même une bénédiction d'avoir fait une transaction dans le changement de Derek Stepan pour chercher un jeune défenseur qui a peut-être un talent. Sur bon, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu fasses des choix de même. À un moment donné, t'as pas le choix. Là, Alain va avoir du plaisir. C'est des choses à faire des fois. Quand tu casses de quoi, tu le remontes. Ben, mieux que c'était plus solide. Pendant ce temps-là, il y a une pause qui arrive à TVA Sport. Donc, Jeff, t'avais-tu fini l'équipe des Golden Knights? J'étais rendu à un nom bizarre que j'allais à prononcer. C'est Lucas Chimpsiaps. Voyons, Chris. Quand tu prononces SB. Psissa. Luca Psissa. Je pense que c'est ça. Luca Psissa. Luca Psissa. David Schlemko in your butt qui a été échangé à Montréal pour un choix de 5e ronde en 2019. Nate Schmidt, Clayton Stoner et Trevor Van Riemsdyk qui a été échangé Oui, qui a été échangé en Caroline. Oui, il est déjà parti, lui. Il pourrait rester longtemps. Dans les gardiens de but, on a Jean-François Bérubé, Marc-André Fleury et Calvin Pickard. Bien aimé le genre d'hommage à Fleury. Ouais, c'était beau. Pas de félicitations à leur faire à TVA Sport, gang de cabochons qui ont coupé l'hommage au gars qui prenait sa retraite. Vrai? Le gars qui prenait sa retraite parce qu'il y a la sclérose en plaque, là. Bickle? Bickle, il y a eu un petit bel hommage, puis ils l'ont coupé à TVA Sport. Chris, c'était Joe Mantegna en plus qui faisait le pitch. C'est des imbéciles. Qu'est-ce que tu fais? C'est le moment le plus touchant de toute la soirée. Le réalisateur, il est à chier. Calice, là. Mais ouais, Brian Bickle qui prend sa retraite finalement, là. Belle histoire, ben pas une belle histoire, là. Pas en tout, dans le fond, c'est pas ça que je voulais dire. Non, mais je veux dire, dans le fond, c'est touchant un peu. C'est touchant, c'est ça. L'hommage qu'ils lui ont donné, puis dans le fond, la dernière game de la saison, quand il était allé scorer un but en fusillade aussi, ça, c'était beau, puis tous les gars qui sautent sur la glace. C'est leur Coupe Stanley en Caroline, équipe qui se cherche toujours. Et puis, après ça, il y a... Ouais, Fleury qui a eu le gros pop aussi quand ils l'ont repêché. Là. C'est, dans le fond, c'est lui l'image de la franchise présentement. Ouais, c'est leur joueur vedette en ce moment. C'est ça. Fait tant mieux, il mérite ça. C'est un bon goaler. Là, oh, ouais, tu sais, dans le fond, tu vas prendre ta petite retraite à Vegas puis on verra comment ça va se passer pour toi. Mais c'est vraiment un scénario parfait pour Fleury parce qu'il a comme donné... Il a aidé une dernière fois les Penguins de Pittsburgh en levant sa clause d'un échange. Trois Coupes Stanley, il a fait... Vous voulez m'échanger, c'est beau, je vais l'élever pour vous, ça va vous donner ce que vous avez besoin. Moi, je vais aller à Vegas. Ah, puis il va sûrement revenir après ça pour avoir un job de bureau à Pittsburgh. Ouais, là. Il va aller faire de l'éther à Vegas pendant une couple d'années avant, puis marcher du crush dans des casinos de clowns. Ça, c'est sûr, pauvre Marc-André. Oh, c'est Alain Vigneault. Alain Vigneault à l'écran. Ça, je l'ai eu tellement. Ça mord les lèvres, c'est ce tabarnak-là, ça veut dire. Ouais, je l'ai eu, ce calice-là. Pendant que Vigneault dit de la merde, Vegas a été aussi chercher des joueurs via transaction chez Theodore, qui n'est pas le frère de José. Non, ni le fils, ni le cousin. Non. OK. David Clarkson, Riley Smith, Alex Touch, Mikhail Grabowski, Jake Bischoff, Nikita Gzugzev. Puis, ils ont repogné 10 choix au repêchage. Là, je ne sais pas dans quelles années que ça va être. Là. Mais écoute, McPhee, il n'a pas chômé. Il a dormi beaucoup là, dernièrement. Mais tu vois que ça... C'est un drôle de repêchage d'expansion. Hein. On dirait que c'était comme ça va être un power team qui va se monter là. Ben c'est sûr que dans le fond, à cause de la parité, ils veulent vraiment bâtir une équipe, d'après moi, pour qu'ils soient forts en partant. Puis aussi, ça permettait aux équipes d'avoir donné des contrats dégueulasses, de s'en débarrasser. Puis Vegas, c'est quand même bien nourri. Ils ont quand même une pas pire équipe. Je pense pas qu'on va faire les séries. Je serais extrêmement surpris. Mais d'après moi, ça va être spécial de les voir juste pour le fun. Là. Mais je m'attends pas à une équipe spectaculaire, honnêtement. Là. C'est pas Tupachev qui va faire des miracles. C'est brutal. Nous demande qui va être le premier goaler au draft cette année qui va sortir pendant que les Sabres de Buffalo s'en viennent sur le stage. Je pourrais te sortir ma liste plus tard, mais d'après moi, il n'y aura aucun goaler qui va être repêché en première ronde. Ah ouais, tu penses? C'est pas fort les goalers cette année. Les Sabres de Buffalo, hey, parlons des Sabres. Ah, les Sabres. Les Sabres qui ont déjà donné leur choix, Chris, ils étaient sûrs de leur shot. Là. Ouais, il est rentré direct, c'est bon, ça n'a pas été. Jack Eichel a pété une crise en fin de saison parce que il était à une coupe de points d'avoir un bonus de 2 millions de dollars. Okay. Puis malheureusement, l'équipe a mal joué, fait qu'ils ont perdu. Puis il aurait pété sa coche dans la chambre parce qu'il voulait avoir son cash. Les petites vedettes. Puis il a été braillé au propriétaire pour lui dire mon oh my god. OK, je vais mettre une pause sur Jack Eichel. Là. Les Sabres de Buffalo qui repêchent Casey. Voyons donc, Esti! Casey Mittelstad! Ce gars-là, là, GF, tu sais, quand je te disais qu'il y avait un gars qui a passé des examens physiques, là, puis il l'avait pas pendant tout, là, ouais. C'est ce gars-là. Pour vrai? C'est ce gars-là. Il n'a même pas été capable de faire un esti de pull-up Spier de pendant les exercices pour la NHL pour te classer. Là. Comment tu peux être dans les jeux et tu n'es pas capable de faire un pull-up, voyons? J'en ai aucune idée. Puis le pire, c'est qu'après ça, pour faire le bench press, il y a comme un poids minimum que tu dois lever. Ouais, ouais. Puis là, si tu ne veux pas le faire, il faut juste que tu dises pourquoi tu es blessé et tu as un papier du médecin. Lui, il a signalé rien. Il a juste fait une shot, puis il n'a même pas été capable de faire sa série au complet de bench press. T'as vu ça, toi? Dans la presse, Marc-Antoine Grondin, il a tout noté ça, c'est fou, je pourrais te faire aller l'article tantôt, tu vas capoter. Écoute, c'est juste incroyable. Pis wow. Encore là, ça finit pas là, là. Quand t'es rendu, t'es en bobette, puis faut que tu prennes ta mesure, puis ton poids, eux autres, sur sa filière, ils avaient noté que c'est un gars de 6 pieds 1, puis finalement, quand ils ont pris sa mesure, c'est un gars de 6 pieds. Mais ils ont encore mis 6 pieds 1, là. C'est pas la vraie note. Là, je vois que TVA Sports sont vraiment à chier parce que quand ils ont fait des rapports puis qu'il y a eu des spécialistes de l'entraînement qui ont été voir tous les joueurs pour les mesurer et tout ça, c'est pas 6 pieds 1, c'est 6 pieds. 6 pieds 1, c'est ce qu'il avait menti dans son rapport. Écoute, ça va être une vedette, ça. Il dit, et puis en plus, dans la presse, ils ont précisé que ce gars-là, bonne chance à l'équipe qui va le repêcher. Buffalo. Asti Buffalo. C'est quoi votre calice de problème, tabarnak? Faut toujours vous faire rire de vous autres, asti. Jack Eichel qui pète sa coche, qui va commencer à pleurer au propriétaire, puis il dit « Si tu changes pas de coach, je signerai pas à long terme avec vous autres. » Le DG, il a dit « Fuck you, c'est pas toi qui mène le site. » Mais le propriétaire, il a décidé « Bon, ben, je vais mettre dehors le coach et le DG. » Ça faisait 2 ans qu'il était en place, puis il calisse tout dehors, esti. Là, il a été chercher comme DG, c'est quoi son esti de nom? Je l'ai dit à quatre parts, là. Jason Butterill. Butterill, qui est comme un genre de sirop. C'est un ancien joueur qui a eu une très courte carrière dans la Ligue nationale. Tu vois, un autre ancien joueur, d'après moi, que lui était peut-être à l'école un peu plus longtemps. Peut-être, peut-être. Qui devient DG des Sabres de Buffalo. Son premier deal qu'il a fait à vie, il a été chercher Nathan Beaulieu. Asti, ça prend. Tu peux pas avoir un trophée pour ça, là. À un moment donné, là, tabarnak. il a engagé Phil Housley, qui est un bon coach junior. Phil Housley, qui est rouge, je vous le rappelle. Détail primordial à se rappeler. Phil Housley qui compare Nathan Beaulieu à lui-même quand il était jeune. Tabarnak, Phil, esti. Voyons donc, arrêtez donc. T'sais, vous n'êtes pas obligé de vendre l'idée à votre peuple que Nathan Beaulieu est bon, OK? Il n'y a plus personne qui vous intéresse, esti. Vous n'êtes pas avec les Bills de Buffalo. Il y a les Sabres de Buffalo. Quand tu es une équipe à Buffalo, si tu gagnes, c'est pas normal. Esti, ça va prendre du temps en tabarnak quand cette équipe-là a gagné. Puis en plus, il essaie d'échanger Evander Kane, monsieur qui va au club de danseuses en faisant son épicerie. C'est sûr et certain que Buffalo, encore une fois, cette année, même si Jack Eichel, il est bon, il est beau, il est roux, il est frisé, joue bien, ils feront pas plus les playoffs parce qu'ils n'ont pas un esti de goaler à Buffalo. Esti Dallas avait un surplus de gardien de but, échangez-le à Buffalo, donnez-leur l'étonnant, esti. Quand on va jouer ce game contre eux autres, c'est 12 points au classement pour le Canadien de Montréal. Go, esti, je suis pour ça, tabarnak. J'ai de la peine pour Josh Georges qui se retrouve là-bas justement, que d'après on va prendre sa retraite à la fin. C'est sa dernière année de contrat, justement, je vous le rappelle. Josh, qui est très gentil. Je l'ai croisé au Toys R Us il y a quelques années. Et puis, il est très sympathique. Achetait des jouets pour des enfants dans le besoin. Alors, on voit présentement sur le stage, je pense que j'ai ma montée de lait est finie avec c'est parfait, ça. Les sables. Les Red Wings de Détroit, l'équipe de Mathieu Gilina, qui s'amène sur le stage. Le beau Mathieu. Qu'est-ce que j'ai comme note sur les beaux Red Wings de Détroit? C'est j'ai juste écrit une équipe en reconstruction. Ça y est. Il y a du monde qui ont paniqué un peu parce que ils se sont demandé pourquoi que les Red Wings ont protégé Jimmy Howard au lieu de Peter Mrazek. Mais selon les médias à Buffalo, des gens qui suivent l'équipe de très près, Mrazek aurait un esprit d'attitude. Ah ouais? Ce gars-là, il se croit au-dessus de tout le monde, il se crisse des conseils qu'on lui donne. Alors, les Red Wings ont voulu lui passer un message pour lui dire « Toué, ta gueule. » Puis, il n'a pas été réclamé, fait qu'ils sont encore pognés avec. Fait que ça va juste être weird au camp d'entraînement. Là, on voit des accolades des Red Wings qui ont probablement repêché un joueur qui pourront les aider à dépasser Buffalo au classement là, à la prochaine saison. C'est-tu Mikael Rasmussen qui ont repêché? Je vais te dire ça immédiatement. Un petit peu que je mette ça à jour ici. Chris, le top 10 que j'ai pogné, il n'y en a pas un tabarnak asti qui ils disent la même affaire. Hein? Les joueurs que j'ai sur ma liste, là, je vais juste les nommer rapidement. Là, parce que. Pendant ce temps-là, il reste encore des petites perles, maintenant. Pendant ce temps-là, il y a Seb Brutal qui dit que Housley va transformer Beaulieu, c'est sa prédiction. Commence pas, toi. Dans une autre dimension, peut-être, mais malheureusement, on n'est pas dans un film de science-fiction ici. Je t'aime bien, pareil. Tu viendras débattre de ça, mais qu'il soit pourri en plein milieu de saison. Là. Ah ouais. Ou qu'il soit vraiment clair. En feu. À voir. Alors, non, il n'est pas dans le top 10. Victime d'une fracture du poignet, c'est la première chose que tu dis quand tu repêches un gars. Fracture du poignet. Oh, Christ, un centre de 6 pieds 6, c'est un Canadien, Rasmussen. Toi, tu vois des parents qui ne viennent pas du Canada, par contre. Là, une chance que tu es au Canada. 6 pieds 6, 215 livres. Puis sa plus grande feature, c'est qu'il y a une fracture du poignet. Bravo, voilà. Les Red Wings. Oui, ou TVA Sport, parce qu'ils n'ont peut-être pas trouvé d'autres infos. En fait, là. C'est ouais, probablement plus TVA Sport qui ont dit ça. C'est la seule affaire qu'ils ont su. Il s'est déjà pété le poignet en 92, ce gars-là. Ben, quand il y avait un an. Ben, un gros bonhomme de même, c'est sûr que, mettons, moi, ce que j'aime bien des Red Wings, c'est Anthony Manta éclos la saison passée. Alors, Anthony Manta, qui est un gros format, est-ce que Rasmussen pourrait jouer avec Manta un jour? On va le voir, mais attendez-vous pas que ce gars-là joue dans l'Angastana l'année prochaine, tu sais. Tantôt, je vais aller voir le mock draft de Marc-Antoine Grondin, qui se dit spécialiste de la presse, pour voir comment que lui classait Rasmussen, puis on pourra jaser dans un an. Quand j'écris Chris, pourquoi que quand je vais chercher ce nom-là, je vois un genre de gars qui fait du vélo, mais qui a l'air extrêmement malin. C'est-tu son père? C'est quelqu'un qui a le même nom que lui, ça se peut. Ça arrive dans la vie de Jeff du monde qui ont le même nom. Hein. Ça se peut fort bien. OK. C'est rare. Hein? Ben, dans le fond, ça doit être un Suédois qui est né au Canada. Ou il faisait du basic avant. Là, puis, Sauf qu'il a vieilli à l'époque. Il était plus vieux dans le temps. Ah, tu vois, ils sont très rapides. Le site Elite Prospect a déjà dit qu'il était repêché par Détroit. Bon, c'est mieux que tes astuces d'affaires de top 10 qui ne marchent pas de tantôt, ça. Ben, c'est ça, c'est des mini players comparison. Chris, on dirait que c'est Igual dans Street Fighter qui est à l'écran en retraité. Alors, Il y a le site Bleacher Report qui donnait le grand Ram Rasmussen pour le CH en 25e, selon Seb Brutal en ce moment. Comment tu dis ça? Selon Seb, il y a un site qui rapportait des nouvelles de hockey, là, qui a des prédictions. Bleacher Report, ça s'appelle. Ouais. Il disait que Rasmussen allait sortir 25e pour le Canadien. Oh shit. Puis les autres, ils les repêchent là? 9e, là, qu'on est rendu? Exactement. C'est marqué à côté à TVA Sport. Bon, ben, je pense que je vais sortir le mock draft de Marc-Antoine Grondin parce que là, je suis curieux. Là. Qu'est-ce qui se passe à toi? Est-ce que Mathieu Gilina, si tu es à l'écoute ou si tu l'écoutes après, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui se passe avec ton club? T'es-tu content? T'es-tu inquiet? Quoi faire? Qu'est-ce qui se passe? Avec les Red Wings de Détroit, une équipe, je pense que. C'est pour ça qu'ils ont démoli l'aréna puis qu'ils en ont bâti un autre, là? Ouais, il me semble que ça a été les. Ben, c'est pas là qu'ils ont mis les centres de Probert, là, dans le banc des pénalités avant de démolir. Ah oui, c'est ça. Voilà. Alors, le Joe Louis Arena. Alors qu'on voit que les Panthers de la Floride sans Michel Therrien. Ah, ben, tu vois, Marc-Antoine Grondin avait classé Mikael Rasmussen 10e par les Panthers. C'est quand même pas payé comme prédiction. Le centre de confiance de Tri-City est perçu par certains comme un futur marqueur de 30 buts. Rasmussen a des mains et un excellent tir. Il sera. J'espère qu'il a des mains. Il sera très bon en avantage numérique, estime un recruteur. Les équipes qui font un virage vers la vitesse et le sens de hockey pourraient faire en sorte qu'il glisse un peu, mais une telle carrure ne s'apprend pas. Fait que c'est un gars, un excellent patineur à 6 pieds 6. Ça pourrait être intéressant, ça. Fait que. Des poppy moves des Red Wings de Détroit. Moi, j'ai juste hâte de savoir qui va repêcher Nick Suzuki. Fait que si on va aux Panthers de la Floride. C'est le gars qui a 2 mètres, ça? Non, c'est pas lui. Okay. C'est, on va y revenir plus tard. Est-ce que j'ai hâte que tu me parles de ça? Tu m'as tellement titillé. Il est classé un petit peu plus loin. Okay. Les Panthers! Tu sais, le fameux coach Cossé qui a crissé d'or Gérald ouais, Gallant. Ouais. Il s'est fait casser d'or, lui, finalement. C'est clair, c'est-tu. Dans le fond, ce qui est bizarre, c'est que si on recule un an en arrière. Il est bronzé, lui? Ça, c'est Dale Tallon. Dale ouais. Tallon, qui était le DG des Panthers depuis plusieurs années, s'est fait tasser par Tom Rowe, qui est un ami du propriétaire, qui est un spécialiste du Corsi. Fait qu'ils ont dit à Dale Tallon, t'as bâti le club, des calices, je m'occupe du reste. Et puis, Tom Rowe n'a pas aimé la façon que Gallant coachait son équipe. Déjà que Tom Rowe a échangé 4 défenseurs sur 6 pour bâtir son équipe sur le Corsi. Il a crissé Gérald Gallant quand que l'équipe commençait à regagner. Il a décidé de prendre le règne et résultat, les Panthers de la Floride n'ont pas fait les séries éliminatoires. Ils ont donc demandé à Dale Tallon de reprendre son poste et d'engager un autre entraîneur. Il a même passé en entrevue Michel Therrien. Therrien puait de la gueule. Fait qu'ils ont décidé de prendre Bob Gardner comme entraîneur-chef des Panthers de la Floride, qui ont perdu même 2 joueurs, Jonathan Marchessault et Riley Smith, donc sont en manque d'alliés. Et présentement, les Panthers font partie des équipes qui négocient avec le Canadien pour les services de Alex Galchenyuk. Qui a toujours pas voulu. Hey, d'ailleurs, tu parles d'échange. Il n'y a pas eu un trade à date depuis le début? Il n'y en a pas eu un tabarnak de trade, à part qu'on a vu un petit peu plus tôt que TJ Oshie a signé un contrat de 8 ans d'une valeur de 5,75 millions par année. Bravo à TJ Oshie. Présentement, Chris, je pense que les DG ont oublié qu'ils avaient le droit de faire des transactions, même que toutes les années sont dit « C'est ouais, de la période la plus mouvementée des 100 dernières années! » Puis c'est comme... Il se passe rien. Eh ben. Et on en fait toujours. Ben pourtant, Bergevin, il n'est pas payé. Il fait un trade personnel. Lui, il y a un nez d'un gars qui boit beaucoup de vin. Là. Ben, Dale Tallon, c'est l'architecte des Blackhawks de Chicago, et même que c'est lui qui a donné sa première chance. Le gars en arrière avec le coup de grenouille qui vibre. Oh, tabarnak, oui, hein? Lui, il a l'air d'un gars qui a pris un coup avant. Là. C'est-tu un scout, ça? Comment tu peux faire... Comment tu sais que ce gars-là s'ajuste au hockey d'aujourd'hui? Il sort la langue. Là, il se fiche les babines. Hein? Parce qu'il y a encore un peu de vin de pris dans le commissaire d'élèves. Oh, il est roux en tabarnak! Hey, une première archi vient d'être repêchée dans l'international. Si bon, je pensais que mes yeux... Ah, c'est tente. Owen Tippett! Quoi? C'est ça, Owen Tippett. Owen Tippett, ben oui. Owen Tippett, c'est un ailier droit, 6 pieds, extrême. Oh, Chris, son père, à l'aide d'un Brody dans Homeland. pour ceux qui écoutent Homeland, j'espère que vous savez mes propos. Donc, Owen Tippett. On va avoir du fun avec son nom cette année. Hey, c'est rouge. Hey, ça va être beau, ça, avec son jersey des Panthers. Là, il prend sa casquette. Pour cacher ses cheveux. Je sais pas si la petite fille, elle dit c'est celle-là. qui m'a repêché? Un gars qui doit être rouge au lieu d'être bronzé sous le soleil, il s'en va en Floride. Oh, ça, c'est Chris Pronger. Ouais, puis il se mord les babines de contemplation. Ouais. C'est assez spécial d'en avoir Dave Tippett en rouge avec du rouge en arrière, des cheveux rouges. C'est pas Dave Tippett, c'est Owen Tippett. Pis c'est bien weird aussi parce que sur le côté de la casquette, il y a genre une espèce de grosse étiquette blanche. C'est quoi ça représente, ça? C'est-tu une télé? Ou c'est quoi le rapport? Là? Je vois pas. Ben, je vois qu'il y a de quoi, mais je sais pas c'est quoi. C'est-tu comme, mettons, pour donner un look à la casquette puis mettre comme des bandes blanches sur le côté, c'est là, t'es en tabarnak? Pour mettre de la pub, je sais pas. T'achètes une casquette du Canadien puis t'as une pub de guacamole à côté. OK, bon, on va aller voir qu'est-ce qui se passe avec... Moi, je dirais changer vos commanditaires, c'est ça qui arrive. Là, mais... Ce jeune homme, Owen Tippett, qui était classé 11e. Fait que Chris, il est dedans, le petit Mathias, pas le monsieur Grondin. 44 buts, 31 passes en 60 games. L'un des meilleurs marqueurs naturels de ce repêchage, Tippett. Aucun lien de parenté avec Dave. Dave Tippett, qui est l'entraîneur qui a crissé son camp des Coyotes de Phoenix parce que les Coyotes n'ont plus une calisse de scène. Fait que le coach a dit « Fuck you, je décalisse! » Alors, à combien c'est le plus directeur? Pourquoi? Parce qu'il ne marque pas. OK, c'est un gars qui disparaît à l'occasion. C'est peut-être un petit risque. Écoute, il me semble que si tu repêches un gars qui disparaît à l'occasion quand tu joues en junior... Là, c'est pas bon signe. Ça sort 11e, Chris. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est pas normal, tout on ça. On nous dit dans le chat, c'est Alexandre Girard qui nous dit que sur la casquette, les bandes blanches, c'est comme les bandes au hockey, mais c'est la casquette. Ils vont mettre des pubs qui vont changer entre les périodes. C'est sérieux, ça? Non, c'est pas sérieux. OK. Mais c'est ça qu'il me dit dans le chat, mais je te garantis, mon Jeff, que c'est pas sérieux. Ah, ben moi, je mettrais un sticker de l'SDP puis la jasette sur le côté. Ça aurait bien plus beau, c'est-tu. Eh oui. Hein, on l'a-tu l'affaire, nous autres? Ah ouais, voilà, ouais, le permis de bière. Là, je vais prendre une petite gorgée de bière avant de parler des Kings de Los Angeles. Présentement, on voit une annonce de Transformers. Ouais, mais ça, c'est pas intéressant, on s'en sert. C'est juste des robots qui se battent. Puis on je vais sûrement aller le voir au cinéma. Moi, veux-tu bien pas changer de sujet? On parle de hockey ici, là. Prends ta gorgée, puis parle-nous de la prochaine équipe qui va repêcher là, après ça. Pendant que tu bois dans ta classique Modelo. Je comprends pas encore que tu sois pas allé chercher une commandite de Modelo. C'est parce qu'au Mexique, ils comprennent pas le français. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Les Kings de Los Angeles. Les bons Kings. Ils ont fait le ménage, Jeff, cet été. Un autre club qui fait le ménage. Oui, ils ont décidé de crisser dehors Dean Lombardi, qui a gagné 2 Coupes Stanley avec les Kings de Los Angeles, pour le remplacer par un autre ancien joueur de hockey qui était à l'école temporairement, Rob Blake, qui devient le DG des Kings de Los Angeles. Et puis Luc Robitaille, un autre ancien joueur, Steve, président du club. Luc. Le président du club. Nouveau coach, John Stevens. Pour ceux qui ne connaissent pas John Stevens, c'était le coach qui coachait les Flyers de Philadelphie dans le temps que Jeff Carter et Mike Richards étaient sa poudre à côté, sa drogue pendant un game, puis qui ont décidé de crisser leur camp. Ils ont échangé aux Flyers. Mais John Stevens retrouve ces deux cowboys qui sont plus matures parce qu'ils ont quand même vieilli. Mais Mike Richards, malheureusement, je pense que ce gars-là ne joue tout simplement plus au hockey. Il a été arrêté aux douanes il y a quelques années parce qu'il y avait de la drogue dans un sac Ziploc. Alors, les Kings, comme un pro. Une équipe qui n'a pas fait des séries, une équipe qui peut-être même... Tu sais-tu de Slava Voynov? Ouais. Ça a l'air que peut-être qu'il pourrait venir dans la Ligue nationale. Le gars qui battait sa femme parce qu'il était trop sur la vodka. Là. Ouais, ça a l'air que sa femme, maintenant, les blessures ont guéri, fait qu'il peut revenir. Fait que, les bleus ne paraissent plus, c'est comme si de rien n'était. Ça a l'air, fait que, on va voir. Ils ont même racheté le contrat de Matt Green. Matt Green, qui est un défenseur honnête, mais qui est souvent blessé par des commotions. Fait que, hey, on a un super beau commentaire en ce moment de Sylvain Hudon qui dit « Calis » en majuscule puis qui nous dit qu'on fait sa soirée à lui et sa blonde. Ça a l'air qu'ils ont mis la télévision sur mute puis ils nous écoutent commenter. Ah ben c'est parfait. Je pense qu'on a un petit décalage de 20-30 secondes peut-être dans le moment que nous on diffuse puis ce qui se rend sur Facebook, mais c'est quand même pas si mal comparé à l'année passée qu'on avait été épais, on avait mis pause pendant genre 5 minutes. Là. Ouais, ça c'est nous parce qu'on riait d'Alain Chéné qui prononçait des noms tout croches. Mais là on est live pour vous en ce moment. Là. Ouais. Ah, comme tu vois, j'ai vu le nom de Kaylor Yamamoto. On voit le bon look là. Kaylor Yamamoto, un joueur semi-canadien, semi-chinois qui parle pas français mais qui joue pour une équipe ontarienne dans l'ouest des Appalaches. Lui, ça serait le premier chinois, mettons, qui pourrait être repêché par le Canadien de Montréal parce qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont classé 25e. Yamamoto. Ah oh, ouais? Ouais, vous pouvez sortir vos jokes. Ça a l'air c'est un gars. c'est le prochain Tyler Johnson, selon plusieurs. Ça a l'air c'est un gars. Mais là, on voit les Kings, tous des grands gaillards. Rob Blake, qui me rappelle des bons souvenirs dans le temps qu'il jouait avec les Kings de Los Angeles. C'est un gars-là que je sors, c'est Chris, ses épaules, ici, sont bien larges, tabarnak. Un autre recruteur, ça. On dirait qu'il y a une tête comme dans Beetlejuice, là, à la fin. Il a juste la petite tête dans des grosses épaules. Oui, quand il est dans le genre d'affaire qui check leur étiquette, là. Ouais. Ah, c'est un gars qui était classé dans le top 8. Gabriel Villardi. Ah, tu vois. Des Spitfires. Lui, était classé 4e dans ma liste. Là, juste pour vous rappeler aux auditeurs, la NHL a décidé de faire genre une espèce d'endroit VIP où les 8 joueurs les mieux cotés se ouais. retrouvent là. Ça faisait un bout qu'on les a pas vus comme aller sur le stage. Fait que là, Gabe Viraldi, qui sont 11e, qui était classé 4e selon plusieurs, se joint aux Kings de Los Angeles. Mais tu sais, ils ont marqué Gabe, puis là, il y a Radio Canada qui disent que c'est Gabriel Viraldi. Oh, Radio Canada, Martin Leclerc. Non, mais c'est quoi le nom? Ils l'ont-tu anglais en... Ben, sur toutes les places que j'ai lues, moi, j'ai lu Gabe. Gabe, bon. Gabe. Fait que... Ah, ben, regarde, toutes les casquettes ont la petite affaire blanc à lettres sur le côté. Fait que ça doit être comme... tu sais, des fois, mettons, tu portes une... Tu sais, comme, mettons, des fois, la vieille casquette des Expos, que t'avais le devant, qui était d'une couleur, puis après ça, c'était blanc en arrière, puis t'avais une hélice sur le top, là. Je comprends pas, sérieux, c'est quoi, cette affaire-là? C'est... À voir. Ils ont tout ça, je comprends. Y a-tu quelqu'un qui travaille chez Adidas, là, pour nous éclaircir ça, là? C'est quoi les crises de bande? Je vais chercher ma liste. Ah, sur Sportsnet, ils disent Gabriel en ce moment. Sportsnet. Moi, je ferais confiance que son nom, c'est Gabriel, pour vrai. Bon, ça se peut, mais... S'il jouait pour le Spitfire de Windsor, ça se peut que ce soit Gabriel. Ici... Villardi. En tout cas, whatever. Gabe, on va l'appeler Gabe. On va l'appeler Gabe. Alors, moi, dans ma liste que j'ai... Ça sera pas long parce que j'étais prêt à loader. Gabe Villardi. C'est un joueur qui est un genre de Phil Kessel en plus gros, mais deux couilles. Le pire, c'est que c'est tout des facts. Ben, c'est vrai qu'il est plus gros, il est plus grand, puis il y a deux couilles. Celui-là, je peux pas le garantir, mais on va faire confiance à tes sources. Ouais, Villardi, ça a l'air d'être un nom genre de star, hey, Villardi. Ou un genre de sauce spaghetti que tu achèterais chez IGA. Ça, oh oui, l'étiquette bleue peut-être? Ah, je sais pas, ça m'inspire quelque chose. En tout cas, il a été repêché par les Kings. Juste pour voir les petits commentaires, t'aimes-tu les chandails d'Adidas? Il n'y a pas eu beaucoup de changements, mais t'aimes-tu le style de comment c'est fait? J'ai pas tant porté attention depuis le début. C'est pas laid, pour vrai. Ça a pas trop changé. Je pense que. Ah, ils ont les bandes blanches, ils ont ces manches aussi, par exemple. Ben, comme pour mettre un numéro. Ah, oh, c'est peut-être pour mettre un numéro. Ça se peut, mais je peux pas garantir encore, mais c'est possible. Ah, suivre, je vois problème à acheter une casquette du Canadien. Ah, justement, il vient de nous dire, là, Alexandre Girard, il dit les lignes sur les manches des chandails, c'est les mêmes que sur les casquettes, puis c'est ça, on a remarqué. Là, fait que dans le fond, sa casquette, tu peux mettre un numéro, probablement. Peut-être, je sais pas si c'est ça le but ou si c'est juste look, puis le rappel ici. Là, c'est Chris Lucky Luke qui a pris un petit coup de vieux pareil, hein, quand bon, ça regarde. Le bon Luke, il est plus jeune là, non plus. Là. Il avait les cheveux longs dans le temps, puis je vous rappelle que Luc Robitaille jouait dans le film avec Jean-Claude Van Damme. C'est quoi son petit film, là? Sudden Death. Ah oui, ben oui. le film qu'il se ramasse à la glace comme goaler. Ouais, c'est ça. Il y avait des terroristes dans une game Kings en finale de la Coupe. Pas Kings plutôt, mais les Penguins de Pittsburgh contre une autre équipe. Je me souviens plus, ça, c'est vague. Là. Ça fait longtemps à Chris, Sudden Death. C'est un film de 16 ans et plus que je jouais à Brossard au moins Champlain. On est sûrement rentré quand on n'a pas l'âge. Là. En même temps qu'on est allé voir probablement Face Off. Là, où je sais pas. Ouais, Face Off. Con Air. Je pense qu'on est allé voir les deux parce que les deux sont sortis dans la même année. Genre. Ah, écoute, on allait voir des films qu'on n'a pas le droit de Famous Player Stick, c'était hot dans ce temps-là. La belle époque. En tout cas, alors que là, c'est les Hurricanes de la Caroline qui parlent. Alors que les choix montent. Il y a des rumeurs qui disent que les Hurricanes seraient parmi les candidats pour Alex Lafrenière. Ils sont tous dessus. Il y a un défenseur salaire qui est sous le marché. C'était confirmé aujourd'hui par Darren Dreger et Bob McKenzie. Noah Anifin, un jeune défenseur de 20 ans qui est gaucher. OK. Peut-être possible partenaire de danse avec Marc Bergevin pour échanger Galchenyuk. C'est un défenseur d'avenir, là. Mais c'est juste que ça me fait chier, comme je disais tantôt, d'échanger un gars de talent à l'avant pour un défenseur quand t'as besoin de marquer des buts. Tu penses-tu qu'il y a des deals qui se font genre comme « Hey, si tu repêches tel gars, je te l'échange contre Galchenyuk, mettons. » Tu penses-tu qu'ils vont jusqu'à ce point-là? Ça peut être possible, mais c'est rare que ça arrive, honnêtement. Tu peux arriver souvent qu'il y ait un trade tout de suite après avoir repêché quelqu'un, là. Ouais, parce que dans le fond, c'est comme s'il avait échangé son choix de première ronde au Canadien. Ben, dans le fond, t'as qu'à faire, c'est stupide parce que t'as juste échangé ton choix de première ronde avant, je pense à ça. Ouais, ouais. Mais ça peut être possible parce que t'as déjà vu des joueurs comme, mettons, Philip Forsberg. Il était repêché par les Kings, mais une coupe de mois. Non, mettons, après, c'est parce que c'est en 15e, t'as un gars que tu sais que tu te repêches 30e, mettons. Là, tu peux dire, si en 15e, tu le pognes, lui qui s'en vient, moi, je te l'échange contre tel gars. Ça peut arriver, c'est rare. Mais ça va être rare. Mais ça peut arriver. Là, c'est Ron Francis, un autre ancien joueur du Canadien. Ben, ça reste la famille. Des Whalers! Il a toujours eu des cheveux pâles. Si on fait une parenthèse sur les Hurricanes de Caroline, ils ont été chercher leur gardien de but numéro 1 en Scott Darling. Alors, on a encore Jim Neal des Stars Dallas qui a fait une semi-dépression parce qu'il voulait passer un de ses gardiens de but. Mais Scott Darling a signé un contrat de 4 ans d'une valeur de 4,5 millions par année. Fait que ça devient le gardien le mieux payé des Hurricanes. Mais là, ils ont une congestion avec Cam Ward et Eddie Lack. Fait qu'eux autres, s'ils ont un surplus de gardien de but, alors que faire? À suivre. Mais les Hurricanes sont une équipe qu'il n'y a pas beaucoup de prospects. Ben, non, c'est pas vrai. Ils commencent à en avoir des bons. Là. Sébastien Aho, Elias Lindholm, Jeff Skinner qui est ressuscité, qui est redevenu le marqueur de 30 buts. Alors, j'ai hâte de voir les Hurricanes qui, d'après moi, sont une équipe à suivre. Ouf, c'est sa soeur, ça? Je sais pas. C'est son père, ça? Son agent? Martin Nekas. Martin Nekas. Who the fuck is this guy? 6 pieds, 177 livres. C'est pas gros, ça, là. Alors, encore une fois, c'est pas un gars qui fait partie du top 8. Ça, c'est un grand slacks, là. À 6 pieds, 177, là. J'espère pour lui qu'il va commencer à prendre des petits shakes. De patiner vite. J'espère. Ben, hey, Chris Marc-Antoine Grondin, que je vais plugger quasiment toute la soirée, j'imagine. Là justement, classé 12e, Martin Nekas. D'après ses informations, c'est un défenseur qui a un excellent coup de patin. Il est grand, il est slack, mais il est vite. Ouais. Fait que c'est déjà bon. Jouait sur le même trio que Martin Erat cette saison. Martin Erat, c'est un ancien joueur de la NHL, ça. C'est pas un compliment. OK, fait que ça va être un gars qui a joué pour... c'est ça, il a joué à Cometo BMO. HC, c'est quel pays, ça? Banque Nationale, c'est... Mais HC, c'est quel pays? Ouais, bonne question. Cometa... Ah, c'est pas BMO, c'est Berno. Ah, pas plus de ça. OK, c'est un tchèque. Ah, c'est écrit en ça. Au début, j'ai lu bronze. J'ai gagné un malade à bronze en tchèque. Tu vois, les bandes ici sont plus belles sur la casquette des Hurricanes que sur les autres. C'est vrai. C'est stylé. Ouais. Il a l'air d'être fier d'endosser l'uniforme des mais sérieux, je trouve ça lettre. Ben, c'est comme pas nécessaire. J'aurais peut-être gardé une couleur unie. C'est comme, Chris, c'est quoi l'affaire, là? C'est weird, mais je vais peut-être m'en acheter une. J'imagine que ces casquettes-là valent à peu près une quarantaine de piastres chez Tricolore Sport. Là. Alors, ça va être à suivre. Et puis, les Hurricanes qui repêchent Martin Nekas. Alors, si je fais un petit survol, mon petit GF, sur les joueurs qui sont classés dans les tops, qui n'ont pas été repêchés encore, est-ce qu'il y a des joueurs là-dedans qui pourraient peut-être intéresser le Canadien de Montréal? Peut-être. Si je fais le tour rapidement. Je pense qu'on a quasiment tout pris. Cody Glass a été pris. Makar a été pris. Le jeune qui ne sait pas comment faire des lifts, il est pris. Tu as un défenseur ici, Timothy Lijengren, qui est de même style que Drew Doughty, donc quelqu'un qui aime bien ça, garder le puck, qui n'a pas été repêché. Fait que ça va être à suivre là-dessus. Là, on est rendu aux Jets de Winnipeg. 13e rang. Ça va vite quand même, mon Jeff. Il est 8h20. En fait, Jeff, c'est les Golden Knights qui vont revenir sur le stage, qui ont eu le choix des Jets de Winnipeg. Ah! En retour de la 24 des... Quoi? J'ai envie de lire les affaires de François Gagnon. Là. Ah, ben il y a peut-être une transaction où ce que... J'ai pas vu, mais en tout cas... Les Jets ont changé de quoi? Ou blablabla. En tout cas, un échange à 3. Là. Il y a Seb qui dit qu'il veut avoir un gars qui est c'est un brosseur du Dynamo. Qui ça? Genre, j'ai pas le nom, par exemple. Je vais essayer de voir de quoi il parle, là, mais... Il est manqué un bout, là. C'est un Russe qui s'en vienne. Bon, en tout cas. Moi, je continue à regarder pour voir si là-dedans, dans les choix de... Ah, tu vois, il y a un Nick Suzuki qui n'a pas été repêché encore, qui était dans les top 10 selon la presse. Klim Kostin qui dit. Ah, je connais pas pantoute. Moi, un joueur que je vois dans ma soupe, que j'aimerais bien ça que le Canadien repêche, là, je vais essayer de trouver son nom à quatre parts, là, mais il était classé quand même haut. D'après moi, il doit être dans les entre 11 et 20. C'est Robert Thomas. Robert Thomas, qui est un joueur de centre. On a besoin de joueurs de centre à Montréal. On est comme un peu dans la marne. Oh, je suis comme mêlé parce que Michael Lalancette et Alain Chénier ont comme changé de place pour aucune fucking raison sur la table. Là. C'est juste weird. Ça leur tente. Alors, Klim Kostin, ça a l'air que c'est un des grands inconnus du draft. Dans le fond, peut-être une carte cachée du draft 2017. Ah, ça peut être possible, ça. Timmins aime les secrets. Nikita Sherbak est un secret qui était mal caché. Et puis que finalement, aujourd'hui, De La Rose a marqué plus de buts que Nikita Sherbak avec les Ice Caps. OK, donc, on a plein à croire. C'est encore. Alors, voilà la prochaine équipe qui s'amène maintenant vers le stage, qui est encore une fois les Golden Knights. Hein. On parlait de Robert Thomas, puis c'est un joueur qui a un excellent talent, mais les recruteurs ne semblent pas comprendre pourquoi il pourrait baisser, puis pourquoi il ne sortirait pas 20. Mais tu sais, tu as souvent des équipes qui vont faire des choix épais, puis ça te permet de voir un joueur que tu avais classé dans ta liste se retrouver dans ton rang. Fait que des fois, tu es peut-être porté à faire une transaction pour aller repêcher ce gars-là. Ou sinon, tu es béni des dieux puis tu le repêches, le gars, à ton rang. Wow. Les Golden Knights qui repêchent leur deuxième joueur de la journée avec un petit bonhomme qui est à côté qui ne sait plus trop où se placer. Là. George McPhee qui a l'air d'un gars qui est méchant hein, quand tu le regardes. Ouais, il y a un petit look Docteur Terreur. Ah, ils ont repêché Nick Suzuki. Voilà. Qui embrasse sa première cousine. À ne pas confondre avec la voiture cheap, mais Nick Suzuki, on a son petit dossier qui te cite. Alors qu'on voit Gérard Galland qui est semi-content du choix. On voit dans sa face. Ah, Gérard Galland, il doit avoir des dents blanches. Alors, Nick Suzuki qui a 45 buts, 51 passes en 65 games, qui est très très bon dans la OHL. Il est petit, mais il a du talent. Fait que, on va voir ce que ça va donner pour les Golden Knights qui, encore là, font le. Chris, quand tu le regardes, il est vraiment petit, hein? Ah, puis t'as une crise de coupe de cheveux aussi. Tu sais, quand c'est rendu que Chia LeBeouf peut te casser la gueule, là, c'est pas un compliment. Il a joué dans un boys band, tu sais. Ouais. Mais genre des Hanson Brothers. Puis pourtant, il est 5 pieds 11, mais quand tu regardes la face, il est pas large les épaules, ben, hein? Mais c'est pas du gros gabarit là, qui est sorti. À part le gars de 6 pieds 5 tantôt. Là, le mastodonte, là. Ouais, mais à part ça, c'est pas. T'sais. c'est pas si payé. Ah, c'est un Canadien. C'est-tu le fils du gars qui fait tout le temps des documentaires à CBC? Non, je pense pas que c'est le fils à David Suzuki. En fait, je le confirme, c'est pas son fils. Là. C'est pas son neveu, genre? Saint-Plazard. Ah. Je pense. Alors, on voit ici Nick très fier d'endosser l'équipe. Avec des dents jaunes à 18 ans. Ça va bien. Ça commence bien. Bon, mais ça va fitter avec le chandail au moins des Golden Knights, fait que c'est correct. Ouais, plus je le regarde, plus je le trouve paulette, le chandail des Golden Knights. Ah, je crois que tu parlais du gars, c'est bon. Genre, Suzuki, plus je le regarde, plus je trouve que c'est. Il est cute! Il y a un petit quelque chose. Ouais, c'est ça. Il est pas méchant, le chandail des Golden Knights. Même que sur leur casquette, je trouve que les bandes sont plus belles là que sur les autres casquettes des autres équipes. Ils se sont forcés en crise hein, pour les Golden Knights pour vendre du stock. Ah, ben c'était sûr. Là. C'est comme s'ils souhaitaient que ça soit comme OK, il faut que ça ramène du cash. Des records de jersey. On veut que tous les gars de tous les pays du monde achètent. Tout le monde soit à Vegas vienne acheter les jerseys. Let's go. Là. Moi, si je serais à Vegas puis je regarderais quel nom que je me mets en arrière, là, je pense que j'attendrai encore quelques années. Là. Je vais peut-être mettre le nom de Suzuki parce que je trouve que ça fait un nom de ninja, là, mais à part de ça, non. Alors, le prochain choix est le Lightning de Tampa Bay, qui sont extrêmement fiers d'avoir été chercher Mikhaï Sergachev. Juste pour une petite parenthèse, si Sergachev joue 40 games ou plus... Oh, Bergevin est au téléphone! Oh, avec... Timmins, Doss! Chris, réveille-toi, tabarnak! Okay, il est texté en dessous de la table. Il disait un texto. Bergevin. Oh, Bergevin se lève. Oh, shit! 14e rang, Bergevin se met debout! Crie pas trop fort, JF, tu vas faire péter les aiguilles de VU. Ah, excuse-moi. Ah ouais, ok. Allez, Renaud, qu'est-ce que t'as à nous dire? T'as un sourire aux lèvres? Est-ce que ton Acadia est dû pour un changement d'huile? Si c'est le cas, n'appelle pas chez nous. On attend toujours de savoir qu'est-ce qui se passe, mon JF. Y a-tu, sur Twitter, y a-tu quelque chose qui se passe, mon JF? Y a-tu quelque chose, toi? Non, pas pour l'instant. Bergevin vient de se rasser. Je pense qu'il est allé chercher une petite sandwich, pas de croûte. Ah, tabarnak! Asti! Il se gratte l'œil, asti. C'est un bluff. Chris, il s'est-tu mis de la feutre dans les joues, là, Rick Dudley? Ben, en fait, il s'est rendu que même sa moustache a l'air d'être en feutrine. À chaque fois qu'on parle de Rick Dudley, j'ai toujours l'impression de penser aux lutteurs qui crissaient du monde sur les tables. Là. Ouais, les Dudley Boys. Ouais. Bubba Ray puis Devon. Ben là, je pensais qu'il y avait un move. Là. Je me suis excité pour rien. Désolé pour mon enthousiasme. Là. Quand je vois Marc s'élever de bout avec un téléphone dans les mains, là il vient de se prendre un. C'est-tu une Juicy Fruit qui s'est pris? Je le sais pas. J'attends de voir. Il est habillé, il est plus conservateur aujourd'hui. Oh, shit! Juicy Fruit, man. La renversante. Si tu prends de la gomme, c'est parce que t'es sur le bord d'accueil du monde. Là. Ou sinon, c'est parce que t'as un petit arrière-goût de maillot épicé de ou Chicago. Ton café cognac, il goûtait pas ça. Ah, fait que c'est Tampa Bay qui se met debout avec le grand Julien Brisebois que tout le monde trouve que c'est un génie. Ça a l'air qu'on dit dans le chat que Bergevin se serait commandé du poulet. C'est ce qui s'est passé. C'est vite bout pour prendre son change dans ses poches parce que ses poches étaient trop profondes. Ouais. Alors, Steve Eisenman qui est très fier d'avoir été chercher Sergachev. Que si Sergachev joue 40 games ou plus avec le Lightning, les Canadiens n'auront pas besoin de céder leur choix de deuxième ronde. De toute façon, c'était fini avec Drouin. C'était sûr qu'il partait de là. Exactement. Fait que Steve Eisenman, que moi personnellement, je trouve épais en tant que DG. Je ne justifierai pas mon choix, mais c'est ce que je pense. Il y a eu de la merde à Tampa Bay à la fin de la saison. Ouais. Nikita Kucherov a critiqué son coach John Cooper pour les déboires de l'équipe parce qu'il trouvait que le coach changeait trop souvent ses trios. Qu'est-ce que t'as pogné là? C'est quoi cette photo-là? C'était draft pick des Panthers. Ça fait peur, hein? C'est beaucoup de roues en même temps. Pourquoi que... Qu'est-ce qu'il dit Trombone, là? Ça, c'est Luongo. Il dit, man, this Panther draft pick is hitting a little close to home. Fait que je sais pas pourquoi, là. OK. Il est-tu roux, lui aussi? Mm. Alors, ici, alors que le Lightning repêche... C'est qui a repêché le pauvre Lightning? Carl Foot! Est-ce le fils à Adam Foot? Chris. Ce serait pas payé, ça? Carl Foot. Il y a bien des enfants. Es-tu là? Ben oui, c'est Adam Foote. Son père Adam Foote, voilà. Son père Adam Foote était repêché 22e par les Nordiques. Son fils était repêché. Chris, c'est l'année des enfants des Nordiques, c'est-tu? Repêché plus tôt que son père, le petit Chris. Ah, es-tu meilleur que son père? Je sais que Patrick Roy a eu bien une fun avec Adam Foote à l'époque. Ah ouais? C'était des gros chambeurs au Colorado. Et puis Patrick s'amusait toujours à lui faire des bêtises. Footy! Bring me some food, footy! Mets-moi des frites, fouli! Il faudrait que je relis son passage. Fouli! Je sais qu'à un moment donné, Patrick Roy, il a joué à cachette avec dans la chambre d'hôtel. C'était comme bizarre, ce paragraphe-là, mais Toujours le fun de lire des anecdotes de joueurs de hockey. Il est habillé au moins? J'espère que oui. Carl Foot, qui est présentement, d'après ce que je vois, mon GF, là, il n'est même pas classé dans le top 20 présentement. Ah, sinon bien, GF? Moi, c'est sûr que je dirais pas non, parce que moi, je m'étais dû. Tu fais une pause ou tu... C'est pour toi, dans le fond. Moi, je peux causer, ça ne me dérange pas. Là. Moi, je peux donner un petit peu d'infos en attendant. Je vais aller chercher des bières, je m'en vais. Ça prendrait... T'as un déboucheur de bière, hein? Alors, présentement, je cherche... Ah, c'est... Et non, Carl Foot, mais Callan Foot, un défenseur. Fait que, d'après ce que je peux voir, c'est que le Lightning de Tampa Bay font le plein de défenseurs à l'heure actuelle. Un défenseur de 6 pieds 4, 210 livres. Tant mieux pour Tampa. Tampa qui a des problèmes présentement avec la masse salariale. Moi, personnellement, je pense que Tampa Bay ont fait une erreur en échangeant Drouin. Je pense qu'il aurait dû échanger Tyler Johnson au lieu de Drouin parce que Johnson... Il allait être en déclin, ce gars-là. Puis moi, si on aurait été chercher ce joueur-là de centre, j'aurais été en tabarnak. Alors, on va voir ce qui va se passer à Tampa Bay, mais qui ont pris leur 14e choix pour aller chercher un dénommé Carl Foot, qui est un ancien défenseur. Son père est ancien défenseur, plutôt. Alors, pour revenir à Nikita Kucherov, qui trouvait que les trios changeaient trop souvent, à la John Cooper, ça fait un bout de la merde. Et puis... on va voir ce qui va se passer. Stamkos, s'il n'est pas fait en peau de pénis encore cette année, devrait être en mesure de jouer au moins plus que 20 games dans la saison. Ça va être à suivre, mais c'est triste, cette belle histoire de Tampa Bay qui, mettons, je te dirais, dans un laps de 5 ans, vont faire les séries 3 fois, puis quand ils ne font pas les playoffs, ils vont repêcher dans le top 5. C'est comme ça qu'on pognait Stamkos, c'est comme ça qu'on pognait Edmund, c'est comme ça qu'on pognait Drouin. C'est assez spécial ce qui se passe à Tampa Bay. Oakland... voyons, tu sais qu'il y a une équipe qui est aucune constance à Tampa Bay, qui, selon Philippe Quentin, était le modèle à suivre, mais malheureusement, ils n'ont pas fait les séries. Et on verra ce qui va se passer à Tampa Bay. Alors, prochain, Vegas, parle encore, GF. Vegas qui s'en vient encore. Avec le fameux choix des Islanders de New York qui ont tout donné pour que Vegas repêche Grabowski. Un choix de première ronde et deuxième ronde pour que Vegas prenne Grabowski qui lui restait un an dans son contrat à 6 millions de dollars. J'espère que le Canadien va sortir bientôt. C'est vraiment long, le Canadien. Là. Come on! Il reste, dans le fond, après les Islanders, il reste 10 choix. Mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Marc Bergevin. Moi qui pensais qu'il y avait de quoi, je m'étais excité sur le poil du dos. T'es juste des gaz, tu sais. Alors, peut-être, ça se peut aussi. Moi, ça m'arrive souvent quand j'étais à l'école que j'avais toujours peur de péter pour que la personne assise derrière moi sente mon air frais. Mais là, on voit à l'écran Julien Brisebois que tout le monde pense que c'est un gars qui a tous les secrets béni des dieux de la Ligue nationale. C'est le comptable de Bob Gainey qui s'est retrouvé à Tampa Bay. Comptable de Bob Gainey. Oui, parce que c'est grâce à lui que Bob Gainey a pu balancer sa masse salariale dans les premiers temps qu'il y a eu une masse salariale dans la NHL. Julien Brisebois, que selon moi, c'est un comptable et non un gars qui a un sens de hockey. Quoique, je peux peut-être me tromper, oui. François Gagnon vient de tweeter qu'il cherchait Marc Bergevin à cause de son absence à la table du CH et ça a l'air qu'il serait sous les gradins et parlerait avec Jim Rutherford. Jim Rutherford, des Pingouins. Qu'est-ce qu'il veut savoir avec des Pingouins? Est-ce que les Pingouins ont un choix de 31e ronde? Peut-être qu'il se demande qu'est-ce qu'il se colle comme pizza. Il a dit on split-tu une moitié-moitié, pépéroni fromage, ben oui, et puis all the rest. Je sais que les Pingouins ont montré un peu d'intérêt envers Galchenyuk, mais qu'est-ce que tu veux que les Pingouins te donnent? Sidney Crosby. Nothing else. Evgeny Malkin contre Galchenyuk. Demain matin. Là. Ferais-tu ça, ce trade-là, mon GF, toi? Pendant que tu... C'est clair. La seule affaire qui me fait chier, c'est qu'encore là, on échange un jeune pour un vieux. T'sais. Ouais, mais Evgeny Malkin. On va voir. Mais là, mais je pense pas qu'il y a rien qui se passe. George McPhee encore qui fait son show avec... son saut de gris pâle. Pourquoi à chaque fois, il faut qu'il y ait 12 personnes qui s'amènent sur le stage quand il y a juste un gars qui parle puis qu'il y a un enfant par rapport qui est là? Je sais pas si c'est l'enfant à qui. Des fois, c'est le propriétaire qui veut être là, mais c'est parce que dans le fond, aussi, c'est ce qui arrive, c'est que t'as le recruteur en chef, tu vas avoir l'assistant de directeur de développement, en tout cas, de tout le monde administratif. C'est pour la photo, d'après moi. Quand le jeune se fait repêcher, il y a toujours une photo qui se fait prendre. Fait que c'est le fun de te faire accueillir par l'administration qui a pris la décision de repêcher cet enfant-là. Tu deviens un homme, mon ami. On te prend et on te signe pour plusieurs milliers de dollars. Il repêche Eric Brainstorm. Brainstorm, qui est un défenseur qui était classé quand même tabarnak. Il y a plusieurs compagnies qui disaient que Brainstorm pourrait sortir au 25e rang pour le Canadien de Montréal. Un défenseur. Un autre qui n'a pas été choisi par le Canadien? Ouais, mais dans le fond, il y a comme... Il est sorti avant. Fait que plus ça va, plus on a des chances de repêcher Robert Thomas, qui est un excellent joueur de talent, qui pourrait peut-être être un bon move de Timmins. Alors, Brandstrom. Brandstrom, il n'y a pas de I. Brandstrom. Défenseur, 5 pieds 10, 173 livres. J'ai-tu de l'info de PA, de comparaison avec ce joueur-là? Je vais vous le dire tout de suite. Voyons, petite collée, je me mélange tout le temps avec mon téléphone. Ah. Style comparable, Torrey Krug. Ah, ben on le compare à Torrey Krug là, maintenant, pendant qu'il s'approche sur le stage avec sa petite chemise blanche. Un autre gars offensif comme ça, être chiant dans les coins. Excusez. 15e draft pick, on se rapproche du choix du Canadien. Ça niaise pas, mais je suis un peu déçu. Probablement encore. Que d'ailleurs, ce sera notre timer de fin de podcast. Nous, parce qu'on, dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est le premier draft pick du Canadien. Et voilà, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec. Mais bon, moi, on a quand même donné beaucoup d'infos à date. Là. T'as fait une crise de bon job encore cette année, je viens de te le dire. Félicitations. Ah, tu prépares tes dossiers solidement pendant qu'on voit son père qui applaudit. J'aime bien ça. Hey, il a l'air d'avoir un semi-sourcil McDo. Ah, nice. C'est le premier cette année qui est repêché qui a un sourcil McDo. TVA qui nous fait la promotion de si vous voulez suivre les autres rondes plus plates que la première demain 11h30. Ah non, c'est joueur autonome le 1er juillet. Malheureusement, je pourrais pas suivre ça en direct. Je ne serai pas là, mais vous me ferez des rapports là-dessus, les gars. Je vais peut-être faire un live. Je vais être à San Fran, fait que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Pas je t'enverrai un message, on signe un joueur important. Tu m'enverras les Snapchats de toi qui gueule avec ton chien et ton fils en arrière. Ben oui. Pendant que tu as des vidéos de fou. Que du plaisir. Les prochains à parler, c'est des Flames de Calgary. Ouais, qui s'en viennent sur le stage ici. Je tiens à souligner que Johnny Gaudreau a gagné le Lady Bing. Ouais, ouais, le trophée le moins respecté de la ligue. Ça. Ouais, le trophée. C'est ça, à TVA Sport, ils ont dit c'est-tu respecté dans la ligue, ça? Puis ils ont fait comme. Ils ont posé la question pendant Ils ont posé la question en studio, comme je me rappelle plus à qui était l'analyste, mais le gars, effectivement, pas vraiment. Là. À tous des gars virils. Tu sais, il y a des trophées là-dedans que ça devrait commencer à disparaître. Ça sacrer le camp, là, man. Come on, le Lady Bing. C'est les plus petits. Je vais en profiter aussi pour aller de deux équipes. Ouais, vas-y. Les Flames de Calgary. Qui ont connu un premier début de saison dégueulasse, puis qui se sont pris en deuxième moitié. Problème de gardien de but. Ils ont été chercher Brian Elliott l'année passée pour un choix de deuxième ronde. Il n'a pas fait le travail, puis là, il mise sur un gardien de but de 35 ans qui est Mike Smith. Est-ce que Mike Smith est la solution à Calgary? Je ne le sais pas. Ça va être dur à dire. Est-ce qu'il va faire un Craig Anderson de lui-même? On verra. Bonne question, mon Jeff. Parlant de Mike Smith, dans le fond, là, ça, c'est le gardien numéro un des Coyotes de Phoenix ou de l'Arizona, j'aurais dit. L'Arizona qui sont dans la merde financièrement. Tout le monde crisse leur camp. Ils ont dit à Shane Doan, tu devrais travailler dans les bureaux. On veut plus te touer sur la glace. Ils se sont débarrassés de leur capitaine. Ils se sont débarrassés de leur gardien numéro un. Ils n'ont plus de coach. Là, ils ont eu des bons moves qui se sont faits. Ils ont été chercher, des bons moves en parenthèse, Derek Stepan. Et puis, ils ont été chercher aussi Antti Raatta. Et présentement, même défenseur, hostie, je l'ai tabarnak. Brian Burke, c'est pas comment attacher une petite cravate de calice. Mais il est chaud, là. Non, mais regardez, il crie, c'est ça. Son col, il est tout désert, il est tout croche. Il a l'air d'un gars chaud. Il y a l'air d'un gars qui avait une attaque semi-kazakh tantôt. Il y a une petite attaque de panique, je pense. Ouais, même que Brian Burke a dit que. Mais tu peux choisir de venir pas de cravate. Calice, quand tu l'as dans le coup. T'as-tu qu'il a l'air de Donald Trump, vite de même? Ah non. De loin. Il n'a pas l'air si épais que ça, là. Ben, moi, je parle plus physique. Non, il a plus l'air de. C'était qui, le maire, le Rob Ford, là? Ah, oh boy. Des petits airs de Rob Ford. Les Flames de Calgary. Les Flammes qui vont choisir. Beaucoup de jeunes joueurs. Il va péter aux frettes, lui, là. Brent Burke, il n'a jamais peur de caller out d'autres DG, qui a profité de caller out John Sheka, je le rappelle, parce que Sheka. On voulait chercher Doug Hamilton pour des peanuts, puis il a carrément dit à la radio que ce gars-là est cave. Alors, si on va là présentement, on parle 16e selon notre bon ami Marc-Antoine Grondin. Il parle de Juuso Valismäki. C'est quoi le nom de... Repincer Juuso Valismäki. Esti, hein, drette dans le mille, tabarnak. Juuso Valismäki. Es-tu là au moins? Okay, ouais, il pleure dans les bras de sa sœur. Un autre Finlandais. Je rappelle qu'il n'y a pas aucun Québécois qui a été repêché encore une fois. Sa mère pleure présentement. Dans ses bijoux. Sa sœur est là. Sa sœur s'en calisse, gang des millennials. Comme fuck that, je veux être tellement édite. Et voilà. 6 pieds 2 défenseurs. Capitaine de la Finlande au championnat du monde des moins de 18 ans. A remporté l'or. Fait quand même pas n'importe qui. C'est pas un 2 de pique. Mais la Finlande, ils commencent à avoir des pas pires joueurs là-bas. Là. Fait que, à ne pas sous-estimer, selon moi. Si je peux faire une petite parenthèse, parce que là, on est rendu 16e, puis le monde dit les Québécois. Y a-tu des bons Québécois qui étaient en liste cette année? Écoute, le meilleur Québécois, selon certaines listes, était classé 31e. Calvaire, OK. Et puis, j'ai demandé à mon nettoyeur ce qu'il pensait de ce gars-là. Le premier Québécois s'appelle Maxime Comtois. Ah ouais, OK. Qui joue pour les Tigres de Victoriaville. Il était super bien coté en début de saison, puis il a connu une année de marde l'an passé. Et puis, mon nettoyeur me dit que c'est un autre jeune qui est nonchalant, qui ne veut pas toujours travailler. Alors, est-ce que quelqu'un veut le repêcher? S'il est disponible deuxième, je dirais pas non. Mais si quelqu'un veut gaspiller son choix de première ronde pour ça, c'est comme si vous repeigniez Louis Leblanc. Louis Leblanc, que je rappelle d'ailleurs, a dû apprendre à patiner quand il était repêché par la Canadien de Montréal. On aurait dû prendre l'extrait audio pour en parler, mais on faut le dire là parce qu'on n'aura pas la chance de leur dire. Là, mais ils l'ont. Ça a l'air que. C'était quoi l'affaire? C'était à 91-9? Là? C'est ça, ça. C'est Michel Langevin qui a sorti l'info là, parce qu'il est au courant de tout ça. Ouais, il connaît ça. Ça a l'air qu'ils ont dit quand il est arrivé avec le Canadien, tu sais pas patiner, puis ils ont essayé d'y apprendre à repatiner à Leblanc. Quand tu veux apprendre à quelqu'un à patiner, là. Mais ça, là, tu sais, pourquoi tu vas chercher un gars qui sait pas patiner, premièrement? C'est ça que tu penses, tu sais. Je pense qu'ils ont voulu faire un show parce que le repêchage était à Montréal, puis ils ont voulu repêcher un Québécois pour faire les manchettes. Ouais, est-ce que gang d'épée, hein? Je sais pas si c'était vrai, mais en tout cas. Puis, les choix qui avancent, encore une fois, là. On a deux choix de deuxième ronde cette année, puis un joueur que j'aimerais bien ça qu'on aille chercher, c'est un défenseur, Pierre-Olivier Joseph, qui est un défenseur offensif qui pourrait être un beau petit projet pour le Canadien de Montréal, d'après moi. Oui. Le jeune Pierre-Élie Joseph, son frère, Mathieu Joseph, joue présentement pour... dans le fond, il a été repêché par le Lightning de Tampa Bay en 2015. Alors, c'est à suivre. Il a récolté 39 points la saison passée dans la LHJMQ. Justement, puis Seb Brutal, il dit que Pierre-Olivier Joseph est pas pire classé aussi. Ouais. Il est classé en deuxième ronde selon ma liste, mais je ne l'irai pas à Montréal. Repêché de première ronde, je serais surpris qu'il sortirait là, mais ça va être intéressant de voir. Le Canadien a deux choix de deuxième ronde, deux choix de troisième ronde aussi là, pour demain. Fait que, écoute, juste donner une info, on parle du Canadien de Montréal avec le nombre de choix repêchage. Beaucoup de monde critique Trevor Timmins depuis qu'il est là en 2003. Je t'ai posé la question, JF, tantôt, là, c'est que de 2008 à 2016, combien de joueurs de plus que Chicago a repêché du Canadien? Et la réponse, c'est 20 joueurs. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est pas facile pour Trevor Timmins. Il travaille avec ce qu'il peut dans les mains, puis à la fin de la journée, c'est le DG qui prend la décision du joueur qui est repêché. Là, tu parles comme Benjamin. À la fin de la journée, là. Selon le rapport que Timmins fait, il dit, gars, ça, c'est ma liste. Fait qu'après ça, Bergevin analyse ou le DG analyse, puis il dit parfois, on va prendre ce gars-là à la place. Pendant qu'on voit le beau loup. Ah, Lou Lamoriello. Alors, c'est au tour des Maple Leafs de choisir. Lou Lamoriello, c'est sûr que si le joueur a une barbe, il n'est pas repêché par les Leafs de Toronto. On a Tristan Paillé dans le chat qui nous dit que c'est vrai que Bergevin jaserait pas mal avec les autres DG en ce moment. Est-ce qu'il essaierait de s'augmenter de peut-être une coupe de spot quand c'est encore le temps? Moi, je pense qu'il veut savoir aussi qu'on va boire une bière après. Ouais, il dit « C'est où qui est le gym le plus proche? J'ai pas encore benché rien aujourd'hui. » Un effet cocasse des Leafs, qui eux autres, les joueurs n'avaient pas l'air de pousser une barbe pendant les playoffs. Mike Babcock qui a demandé, il dit « Comment tu trouves ça avoir fait les séries à ta première saison? » Puis la réponse que donnait au journaliste, c'était « On a fait des séries parce que Tampa Bay est à chier. » C'est toute une diplomatie, hein? C'est des gars qui se tiennent. C'est cœur, hein? Le code non écrit, là. Ah ouais. On fera pas d'offer sheet, les taux de respect, fuck you. C'est ça. Puis là, on parlait tantôt, est-ce que tu repêches le meilleur joueur disponible ou tu repêches selon ton besoin? Toronto, présentement, ils ont énormément de... Je veux dire, leur point faible, c'est la défensive. Ils sont super forts à l'avant, mais défensivement, ça laisse à désirer. Fait que je serais curieux de savoir ce qu'ils vont faire cet été avec les défenseurs. Ils vont-tu aller d'offrir le jackpot à un gars comme Shattenkirk? Je sais qu'on voulait avoir Marc Method. Marc Method leur a dit « Fuck you, je n'ai pas ma clause de non-échange pour jouer à Toronto. » Alors, on va voir ce que Toronto va faire. Ils ont tous des souliers bruns et un sou de bleu marin. Sauf Lou Lamoriello, un homme de 78 ans. Mais je pense que ça fait 4 ans que j'ai 78 ans. Fait qu'il doit être rendu à 82 au minimum. Pas Carl Foote, c'est le même. Ça, ils n'ont pas nommé. On est tout fucking les infographies de TVA Sport en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Lui, Timothy Lilgren. Lui, je pense que c'est le père de Mitch Marner. Timothée Liljengren. Liljengren. Oh, tu vois, ils ont repêché un défenseur. Chris, depuis tantôt, Jeff, j'ai l'impression que c'est tous des Suédois ou des Finlandais qui sont repêchés. Il y a une tendance, en tout cas, là. Cette année, en tout cas, c'est leur année, on pourrait dire, à eux autres. On va aller voir c'est quoi l'info sur... C'est quoi qu'on prononce son nom? Liljengren. Liljengren. Liljengren. Liljengren. Un autre nom qui va être très le fun à prononcer, là. Ah, tu vois, Timothée Liljengren. Un but, quatre passes cette année en 19 games. Il jouait sûrement. Il jouait pour le Roggle. Les Roggle. Une équipe. Fraggle Rock. Deuxième au total en début de saison. Ah ouais, Chris, il a droppé en tabarnak. On va voir ce qui va se passer. Écoute, c'est un gars pouilleux, ça. Fait que c'est sûr et certain que la première chose qu'ils vont dire. Coupe-toi les cheveux, mon tabarnak. Tu coupes tes cheveux, faut que ça soit rasoir numéro 3, ses côtés. Et puis, tu vas peut-être être invité au camp d'entraînement. Matt Babcock est content. Que... Dans le chat, il y a des prévisions. Là. On dit que Benjamin va trader avec les Pingouins. Checker bien ça. Fait que... Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les Pingouins? Je sais pas. Faut regarder ça. Est-ce que Bergevin va repêcher un autre joueur en première ronde? Un 25e et un 4e, ça veut dire qu'on va devoir faire une prolongation jusqu'à la fin, c'est-tu? Ben, on va voir, là, mais en tout cas. C'est spécial! Mais ça se dirige vers bientôt le choix du Canadien dans 7 choix, c'est vous. Ouais, parce que là, après les Beaux Maple Leafs, on s'en va dans les Bruins de Boston, où ce que présentement à Boston, il ne se passe pas grand-chose, mais redonne un vote de confiance à l'entraîneur qui a remplacé Claude Julien. Les Bruins vont devoir préparer l'après Chara. C'est ça. Il est sur sa retraite ou il est encore là, Chara? Il est vieux, mais d'après moi, je pense à cause de sa dimension, il peut tricher puis peut-être jouer un peu plus longtemps. Là, ça doit l'aider un peu, là. Ouais, mais là, il est très lent. Il dompe le puck de son bord, puis le tour est joué. Mais mettons que ouais, ça achève dans son cas, je te dirais. Ça s'en vient, mais la bonne direction. Fait qu'on regarde les derniers choix des Leafs dernièrement. Austin Matthews, Mitch Marner, William Nylander, Frédéric Gauthier et Morgan Riley. C'est tous des joueurs qui jouent présentement pour l'équipe, ce qui est quand même assez incroyable. Ouais, hein, ça veut dire que les autres, ils font un assez bon job de... C'est ça qui arrive quand tu n'as pas essayé puis tu finis les derniers aussi. Des fois, c'est sûr que ça a un avantage là, en bout de ligne. C'est pas évident tout en repêcher entre 20 et 30. C'est pas facile. Mais tant mieux pour les Leafs qui vont être une équipe excitante. C'est triste parce que c'est dans notre propre division. Mais à Bergevin de faire le travail et puis d'espérer pas se faire shifter par les Leafs. Arrête de commander ton poulet, Marc. C'est pas le temps, là. Ah, ben là, on voit Mike Babcock qui commence à discuter avec la mère de Petite Graine pour lui dire « Ah, on va prendre soin de votre fils, mais il faut que vous y coupez les cheveux. » Puis là, il a donné un 20. Tu pourrais payer le coiffeur, mais je paye juste la première coupe. Il y a une bonne place, c'est ça, en face à Chicago, là, au Al Capone Store. Alors, Mike Babcock. Il pense qu'il sait que tout le monde le regarde présentement? C'est clair. Là. Ouais, le monsieur 8 millions. C'est ça qui a payé 8 millions par année? Ouais, quelque chose de genre, là. Il a payé beaucoup trop, là. George McPhee qui l'a gagné. Est-ce qu'il a l'air chaud? Oh, c'est sûr. Chris, ça n'a pas tout boire de l'eau dans un cop blanc. Renaud Lavoie qui ne parle pas très bien l'anglais, pose des questions en anglais à George McPhee qui dit, dans le fond, ce qu'il avait noté dans sa tête. Une bille, je vais dire ça, puis il va fermer sa gueule. Il va pas aller m'en serrer après. Ah, TVA Sports, qui ont eu des pertes de 12 millions au dernier trimestre, selon le rapport économique du Québec. Peut-être pas 12 millions au dernier trimestre, mais je pense à l'année au courant. Toujours bon de le rappeler. C'est sûr et certain. Puis une autre bonne nouvelle aussi, c'est que pour ceux qui ne sont pas capables d'écouter TVA Sports et qui écoutent Sportsnet, mais mesdames, messieurs, TSN a pogné le contrat avec le Canadien de Montréal qui vont présenter tous les matchs de hockey, les 82. Fait que TSN is back pour présenter des matchs en anglais. Tu peux être sûr que je vais flasher TVA Sport parce que je ne suis pas capable de Félix Séguin. Je ne suis pas capable de Patrick Lalime. Renaud Lavoie, oui! Et puis après, tout le reste de la gang, pas capable. Alors Boston s'amène... Oh, c'est quatre tabarnak! C'est Seabass! Qui est ça, Seabass? Seabass de Dumb and Dumber qui se présente sur le stage. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est Dumb and Dumber, un film qui est sorti en 1994. Cam Neely, qui était la bête noire de Patrick Roy à l'époque. Ouais. Seabass. Qu'est-ce que c'est, Seabass? Tout ça parce que Harry a lancé tout une céréale. Tout ça parce que t'as renversé du sel. Une salière saillante. Oh, Don Sweeney, le gars qui portait un casque. Quand je vois le background des Bruins de Boston, je sais pas pourquoi ça me fait penser à Dunkin' Donuts un peu. Là. Ben, ça a toujours été des commanditaires pour eux autres. Ouais, j'ai peut-être ça qui me revient parce en que, tête. Dans le fond, je te dirais, dans les 10 dernières années, quand Claude Julien faisait ses conférences de presse, c'était tout le temps le signe de Boston puis Dunkin' Donuts en arrière. C'est vrai que TSN, Jeff, t'as une petite erreur ce que tu as dit. Ça va être seulement pour les matchs régionaux comme RDS. Tu viens de péter ma ballonne. Ouais. Tu viens de péter ma ballonne. Donc, Euro Vaskainen vient d'être repêché par les Blues. Ah, Vaskainen. Donc, ça, c'est sûr que c'est un autre Européen, mais de quel pays? Hey, laisse-moi deviner, Jeff. Si je le savais, c'est un Finlandais. Encore un gars qui vient de Schlafschlakla. C'est toutes des villes c'est qui étaient. C'est un côté de Glendo, ça? Bon, je sais pas. C'est Tolkien qui a fait la map. pour nos fans geeks qui nous écoutent. Ah oh, oui. Chris, un autre grand slack. Je me demande qui prend la chemise, le veston du joueur quand il descend les marches. Tu sais, dans le fond, parce que quand je travaille, je mets mon portefeuille dans la petite poche. Là, mais... Non, c'est le portier. Le portier qui descend. C'est-tu le portier de la NHL ou le portier des Bruins de Boston, ça? Je sais pas si le monde amène leur propre portier. J'espère que non. Alors, Euro Vaakanainen. Ça serait quelque chose, hein, payer. Vaakanainen. Il était classé 17e dans la presse. Euro Vaakanainen. Il jouait sa troisième paire pour le Mondial Junior, mais c'est un défenseur mobile. Fait qu'une tendance, c'est que le monde recherche des défenseurs mobiles et non des défenseurs à la Douglas Murray. Ben, effectivement. C'est sûr, tu sais, l'innocence, c'est la rapidité. Puis si on se fie au Penguins de Pittsburgh, une équipe se gagne avec l'offensive et non la défensive. That's a fact. On voit sa grand-mère présentement qui est très fière de son fils qui va jouer pour les Bruins de Boston. Est-ce qu'il y a des Finlandais à Boston présentement? Je ne crois pas. Alors, ça va être bon. La casquette des Bruins de Boston, j'essaie de la juger. Alors qu'on se rapproche du choix du Canadien, mais la division est à 6 choix. Oui, là, c'est les Sharks de San Jose qui vont après parler. La pause, à moins que le bon Marc réussisse à faire une transaction. Il serait peut-être temps, là. Mais les Sharks de San Jose qui présentement préparent l'après Thornton, l'après Marleau. Puis il y a même une rumeur farfelue qui disait que ces deux gars-là pourraient peut-être se retrouver avec les Maple Leafs de Toronto, ce que je trouverais bizarre, parce que pourquoi tu te réjunis puis tu as engagé deux vieux grippesous? Là, t'sais? Ça n'a aucun sens, à mon avis. Mais les Sharks, une équipe d'après moi qui sont en train de leur fenêtre, vient leur fermer les doigts. Jeff, on aurait pris en audio, en fait, le dernier téléphone de Marc Bergevin à la table des négociations. Si on veut écouter, qu'est-ce qu'il y a à dire? Marc, écoute, je vais dire... Ouais. C'est ça, c'est ça qui se passe. Il était nerveux. Prenez-vous un terrac. Comme directeur général, je regarde pour améliorer l'équipe. Vas-y, Marc, lâche pas. Ben, d'après moi, il peut-être qu'il ne sent pas l'obligation de faire une transaction parce que le joueur qu'il veut avoir est toujours disponible. Mais tu sais, comme disait Alain Chéné pendant qu'on mangeait notre PFK, des fois, tu peux voir un gars dans ta soupe. Puis tu penses que tu vas le pogner, puis ça va bien, puis whoop, l'équipe avant toi, il pogne, puis là, t'es tout mêlé. Ça, c'était les propos exacts de Alain Chéné, un spécialiste de TVA Sport. Et un professionnel de la glace également. Ah, ils sont tous professionnels de la glace. La glace est froide. Là, je regarde rapidement pour voir s'il y a des discussions présentement. On dit que les Ducks d'Anaheim discutent beaucoup avec Bergevin pour Alex Galchenyuk. Ça reste à voir. C'est pas grand-chose. Là. Écoute, on est comme dans les derniers milles du podcast. On attend que le choix du Canadien se fasse. Là. On dit que c'est le sixième défenseur repêché depuis le début du repêchage. Dans le fond, c'est une année de défenseur, on dirait bien. Là. Mais tout le monde à Toronto... non, c'est pas ça, c'est... Lindgren, ouais, c'est ça. Tout le monde de Toronto semble aimer le choix des Maple Leafs. Lindgren, à part de ça, il y a. Écoute, je suis vraiment déçu parce qu'on dirait qu'il n'y a aucun propos présentement qui se passe ou ce que les équipes sont sur le point de faire une transaction, que ça négocie. Moi, ce que j'aime, c'est toujours entendre Gary Bettman dire "We have a trade." Ouais, mais là, à date, il n'y en a pas eu. Non. Fait que. Puis il y a eu 9 des 18 premiers choix qui ont été des Européens, mon GF. Fait que. Tabarnak, c'est quelque chose pareil. C'est la moitié à date, là. Mais tu sais, quand c'est rendu que t'as le meilleur espoir américain, pas capable de faire de pull-up et de bench press, Canada, le hockey, c'est nous autres qui l'a inventé, là. Puis, je suis pas surpris, honnêtement. Je suis pas surpris du tout. La faute à Trump. Shane Bowers. Non, ça, c'est des prospects. Là, c'est des prospects. Je regardais les noms pour voir. Tu sais, des fois, tu sais, quand tu regardes le nom du joueur, puis tu vois que le nom, il est lettre, si tu sais que ce gars-là ne sera pas une vedette dans la nationale. Tu sais, comme Connor Timmins, ça va être un joueur facile à retenir, que tu peux entendre aux nouvelles. Là, mais quand je regarde ses stats, 7 buts, 61 points. Pendant que les Sharks s'amènent sur le stage, ça a l'air que 3 ans et 9,45 millions pour Patrick Eaves avec les Ducks. C'est pas super. La barbe. Un ailier honnête qui peut facilement jouer dans le bottom six, peut-être même dans le top six, tout dépendant de la situation à Anaheim. Lui, le grand slack, je pense, c'est Doug Wilson. À ne pas confondre avec l'ancien défenseur des Blackhawks de Chicago, Doug Wilson, qui est un des derniers joueurs de la Nationale à avoir joué sans casque. Ah oui? Je crois que oui, lui, puis un petit joueur lent qui était pour les Sénateurs d'Ottawa. Donc, alors, on attend ici le choix des Sharks là, qui s'en vient pendant que... Moi, ce que j'aime, c'est le nom de Cole Lind. Josh Norris, 19e choix. Oh, fait que c'est-tu un prochain candidat pour le meilleur défenseur de la Ligue? Parce que c'est un joueur de centre. Ça aurait été cool que Josh Norris gagne le Norris. Alors qu'il embrasse son copain, son autre copain. Il y a beaucoup de gars hein, qui sont venus avec lui. C'est son entourage, tu penses? Un entourage, peut-être, ouais. Comme dans Entourage, justement, là. Ouais, c'est comme... lui, c'est un Américain. Il a joué pour le... C'est un Américain, tabarnak? Oui, un centre de 6 pieds 1 de 192 livres. Ah, mais tu vas peut-être fitter avec San Jose, qui est une équipe... robuste. Ouais, tu sais, dans le fond, ils ne sont pas dans la marde, mais ils ont encore un petit peu de chemin à faire parce que, dans le fond, leurs vétérans deviennent autonomes et doivent quitter. Écoute, Marlowe et Thornton, c'est deux joueurs dans le top 6. C'est des gars qu'il faut que tu rends en place. Qui va prendre leur place? Des jeunes? Peut-être. Ils ont-tu la qualité pour ça? Je ne sais pas. Ça va être à suivre. Parce que j'ai eu comme une frousse, parce que ça a marqué le live en pendant une seconde. Le live a été interrompu, puis finalement c'est revenu, fait qu'on est correct. Fait qu'il n'y avait pas de problème. Non, je sais pas. En fait, si jamais ça coupe, c'est parce que ça a l'air que je suis encore sur le vieux compte de Arcane Montréal d'Expit. Fait que si jamais ça coupe, on va revenir live tout de suite après. Je repartirai le stream, là, mais ça devrait pas couper. Ça revient avec les Rangers de New York qui vont repêcher pour une deuxième fois. Ils sont au 20e rang là, en ce moment? Excuse-moi, je me suis trompé. J'ai sauté une ligne. Les Blues de Saint-Louis qui repêchent 20e. Yes. Les Blues de Saint-Louis, Brodeur qui coachait les goalers, a décidé de céder sa place à Ty Conklin. Y a-tu joué à Montréal, ce gars-là? Bonne question. Si c'était le cas, ça n'a pas été longtemps, mais c'est un ancien gardien de but, Ty Conklin. Et puis, Steve Ott, qui prend sa retraite puis décide d'aller assister, coacher Mike Yao. Et Sylvain Hudon, pour répondre à ta question, il n'y a eu aucun gardien à date qui est sorti. De ce qu'on a compris, il n'y a pas de gardiens vraiment qui sont sur la tendance d'être dans le premier rang. Non, c'est ça. D'après ce que j'ai pu voir dans toutes les informations, c'est ça. Il n'y a aucun gardien but qui est classé dans le top 30. Ça n'a pas une grosse année de gardien. Non, pas du tout. Puis c'est pour ça. Puis avec le Québec, Maxime Comtois était classé 31e dans certaines listes, mais il ne faut pas se... battre trippé parce qu'il n'y a pas de Québécois qui est repêché en première ronde. C'est pas une grosse année au Québec. L'année passée, ça risque. Pas l'année passée, mais l'année prochaine risque d'être une plus belle année pour le Québec. Alors, ça va être à suivre. Plus je regarde les casquettes avec les bandes, JF, là, t'as raison, c'est laid en tabarnak. Ouais. Tu peux être sûr, certain que je m'en achète pas une. Bergevin écrit des notes. Il y a la couette à l'air. Puis Timmins, qui a toujours l'air d'un gars qui dort. Ouais, mais il est concentré pendant que Rick Dudley. Il est drôle à Bergevin parce que quand il écrit, il a la bouche ouverte. Rick Dudley, c'est clair qu'il se teint genre des parties de barbe parce que c'est pas égal du tout. Puis c'est fou, hein? Il y a le front volontaire, pas mal, je trouve. Scott Mellenby, il a drôlement vieilli en monsieur, hein, Scott Mellenby. Ah, Dudley, Jack, qu'est-ce que t'écris? Je peux te copier sur toi. C'est comment t'écris son nom, là? Qu'on voit la table des Blues de Saint-Louis. Est-ce que Martin Brodeur est là? Si tu as un fatso sur sa table, c'est Martin. C'est vrai, il était avec eux autres à cette heure-là. C'est ça, il était tout excité quand Jake Allen faisait il connaissait des grosses games. Il était « Oh oui, je le vois, c'est lui qui a levé sa badge. C'est lui, Martin. » Lève-le. Le fatso, Mr. Beden, qui couche avec les sœurs de sa sœur. Les sœurs de sa femme. Oui, c'est ça. S'il couche avec la sœur de sa sœur, il couche avec sa propre sœur. Puis là, il y a eu des jumelles. Là, c'est troublant. Ouais. Là, c'est troublant. Pauvre Martin. Martin qui est un futur temple. Il est déjà dans le temple de la renommée. Ouais, non. Il y a là un gars qui se demande en esti qu'est-ce qui se passe. Ouais, mais il attend. Tu sais, là, quand t'es dans une arena de même, GF, là, puis qu'il y a plusieurs tables, là, Si tu as de quoi à dire sur le gars qui est à l'autre bout de la table, faut-tu que tu le cries ou il va t'entendre pareil? Je pense qu'il faut que tu lui textes. Moi. Ou tu passes une corde entre, avec des conserves. Là. Ah, ça pourrait être pratique. Bout à bout pour te parler par la corde. C'est sûrement la méthode de communication à Buffalo, présentement avec Phil Housley. Phil Housley que je pense qu'il a les oreilles décollées aussi, mais je m'en souviens plus. Ah, Phil Housley. Ça fait de la peine à Seb, là, qui est sûr qu'il va ramener le petit Nate. Là, ben non, il sait que tout ça, c'est rigolo. Phil Housley. Alors que voilà, Fatso est debout. Ils sont déterminés. Là, ça marche vite en tabarnak. Oh, là, Fatso était... Oh, vas-y, tabarnak! Il n'y a pas devant moi, je suis un STBS. Vas-y, m'a maqué ta soeur. Check quand il marche, ce brother. Il a l'air très convaincant. Il est comme, yeah! Yes, sir, mon gars. Ben, je suis content. On va le repêcher, notre joueur. Je suis content. Si vous me permettez, je vais essayer de faire une petite prédiction sur le gars qui va être repêché. On va voir si je vais avoir raison. Moi, je pense que le joueur qui va être repêché par les Blues de Saint-Louis sera... Excusez. C'est tous des noms qui ont été pris, ça, tabarnak. Ryan Pooling. C'est un centre qui a fait 13 points à 35 games. Il jouait pour St. Cloud States, à ne pas confondre avec Final Fantasy VII. Oh! Quelle référence! Et voilà. Bravo, mon Dieu. Alors, qui ça va être? Est-ce que ça va être Ryan Pooling? Ryan Pooling qui disent que ce gars-là, il est pas pire. Seb qui dit Yamamoto, on va voir. Ah, Yamamoto peut-être. Hein? Je sais pas si Yamamoto il est parti en basic. Oh! Pourquoi Batman, il regarde tout, là? Ben, d'après moi, c'est parce qu'il a la chance de serrer à main à Martin Brodeur, un Hall of Famer. Fait que Batman, il va pouvoir pas laver sa main pendant une semaine. Ah, c'est drôle, parce qu'ils ont pas l'air de parler avant que le clock est à zéro. Ouais, ben, ils ont un 3 minutes, entre les, je pense, entre les choix, là. Ah, alors le DG qui parle, qui semble être un très grand homme. Rob Thomas, repêché 20e. Ah, ben là, c'est triste, parce que c'est le joueur que je voyais dans la soupe du Canadien. Et on voit les Canadiens qui sont comme « Ah, tabarnak! » Marc est pas content. Ils ont biffé le nom sur la liste. Alors là, on est dans le caca. Là, check bien ça, Montréal va repêcher Ryan Pooling. Fait que là, tu vois que sa mère est contente. Ah, fiu. Ryan Pooling, qui est un joueur de quoi, tu dis? Ryan Pooling, qui est un joueur de centre pour St. Cloud States, qui a fait 13 points en 35 games, qui a l'air de jouer universitaire. Mais ils disent que c'est un choix sûr. C'est un gars qui est flat dans les deux sens de la patinoire. Alors, Rob Thomas, qui est pour les intimes Robert, a été repêché par les Blues de Saint-Louis. Fait que Bergevin s'est fait shifter. Et puis, il perd son premier choix qui aurait pas vraiment sauté. Ah, là, on est dans le caca. Tu regardes pour améliorer l'équipe, là, mais regarde mieux que ça. Non, il va repêcher Yamamoto, d'après moi, Seb. C'est eux autres qui vont repêcher Yamamoto. C'est le Canadien de Montréal qui vont repêcher Yamamoto. Et peut-être même le Canadien pourrait se tourner vers M. Two Moms, qui était le coéquipier de Yamamoto. Ouais, c'est quoi tu Jared parles? Jared Anderson Dolan. Ce frère ou le cousin à Xavier, ça? Non, pas du tout. C'est une de ses mères s'appelle Anderson, puis son autre mère s'appelle Dolan. Donc, c'est pour ça qu'il y a un nom de famille composé. C'est des mères qui ont décidé de fabriquer un enfant au laboratoire pour avoir un petit garçon. Une de ses mères a joué au hockey féminin professionnel senior. Et puis, c'est elle qui a montré à son petit garçon de patiner. Fait que lui est élevé par deux mamans. En entrevue, beaucoup d'équipes se sont posées la question pour savoir si c'est-tu un problème ou pas. Je trouve ça triste aujourd'hui de parler de ça. On s'en crisse, me semble. Mais ça, dans le fond, dans la presse, ils ont fait un article là-dessus. Puis, il s'est fait énormément poser de questions. Puis, les genres de questions qu'ils lui posaient, c'était est-ce que sur la glace, c'est des choses que les joueurs peuvent, tu sais, comme, te blesser en disant des propos sur ça, tu sais. Puis il me dit non. Il dit de toute façon, tu sais, s'il me dit des affaires de main, il dit moi, inquiète-toi pas, moi j'en ai des affaires à dire sur eux autres. Fait que ça va être un gars qui a énormément de caractère. Puis, tu sais, aujourd'hui, malheureusement, c'est tabou un peu. Mais je pense que ça l'a formé un gars qui a un bon petit caractère. Puis c'était le coéquipier de Yamamoto. Puis ça semble être un attaquant. Ces deux-là ont formé un beau trio dans le junior. Ils jouaient pour les Chiefs de Spokane dans la Ligue de l'Ouest. Fait que Anderson Dolan pourrait s'appeler Jared and Dolan. Ouais, ça pourrait être G.A.D. G.A.D. G.A.D. 37 buts, 37 passes. G.A.D., ouais. Il y a Fred Dion qui dit que son choix pour Montréal, sa prédiction, c'est Christian Veselainen. Ouais, Veselainen. Ça pourrait être possible. Kaylor Yamamoto, qui est un défenseur et tabarnak. Non, c'est pas un défenseur, excusez-moi, c'est un ailier gauche de 5 pieds 7, 146 livres, mon Dieu. Yes, ciboire! Fait que ça, c'est le genre de gars, genre, tu y pètes dans la face, puis c'est sûr qu'il... C'est tout. C'est mais, tu vois, il compare à Tyler Johnson puis Johnny Gaudreau. Tu sais, c'est sûr que c'est tous des gars qui sont petits, mais tabarnak, Chris, c'est pas parce qu'il est petit qu'automatiquement, faut que tu le... C'est comme dans le temps où il y avait un petit joueur, puis que c'est ça. Je sais pas si ça passait là. Tout le monde compare les petits joueurs à des bons... À Martin Saint-Louis, à l'époque, là, c'est rendu, ah, il est petit, il est bon, fait que c'est un Johnny Gaudreau, Tyler Johnson. On va voir si c'est vrai, mais... T'sais, je m'emballerais pas trop avec ça. Fait que... Pendant que Martin Brodeur était à la télévision, parle français. Très fier de voler le choix du Canadien Montréal. J'ai regardé ce que Marc voulait, puis j'y ai pogné. Puis ça a fini là. Ouais, voilà. Oui, j'ai pogné sa sœur. Linda. Linda, c'est pas sa sœur, c'est sa femme. C'était sa femme. C'est sa blonde, selon Facebook. Ça a l'air que c'est faux, ça, Bergevin. Hein? Ah, ouais. Il graine pas mal au grinder. Ah ouais, il se tient pas mal là. Ça a l'air qu'il se tient pas mal là. De pas avoir le pénis sèche souvent. Non. C'est comme qu'on dit. Quand on essaie de faire tout ça, c'est des choses qui se disent comme ça. Alors que les Rangers se dirigent encore une fois vers le stage. C'est sûr que dans le fond, dans un film, tu mettrais une toune de Hans Zimmer pendant que les Rangers s'en vont sur le podium. Ils ont tout l'air de gars bien heureux, tu sais. Ouais, tu mettrais ça où la toune dans le film de Rock, là. Ça s'en va sur le stage. Avec la corvette qui pète tous les parcomètres. Ben oui. À San Francisco. San Fran. Ouais, effectivement. Fait que, ouais, ça s'en va sur le stage, les Rangers. Alors qu'on se rapproche de plus en plus du choix du Canadien. Ce qu'on attend avec impatience. Ça s'en vient, les amis, les Rangers qui réclament 21e. Fait que dans 4 choix, c'est le Canadien de Montréal. Alors, on voit encore Alain Vigneault. Les Rangers qui continuent leur rajeunissement avec Angelo D'Angelo. qui va jouer à la défense. Écoute, je sais pas si c'est son vrai nom. Là, mais... Si c'est ça, je capote pour vrai. Là. Attends, laissez-moi valider cette information-là. C'est qui le défenseur qui a pogné tabarnak? Alors, qui est repêché? Philippe Chytil. Chytil, à ne pas confondre avec le pays nucléaire en Russie. C'est pas Chytchabil. Il y a Seb qui dit que Nicholas Hague n'a pas été repêché encore. Nicholas Hague. Je vais aller voir c'est qui ça, Nicholas Hague. Alors, lui qui a un beau suit carotté ici, avec des lignes roses dans un suit gris. Bon, on le voit plus, là, mais on le voit. C'est ça, je cherchais, je dis, aussi tu l'as vu. Il vient de partir parce qu'il filme ses parents qui sont encore à l'île. Tu pensais qu'il y a des jeunes qui se font des Snapchat? C'est clair, tout le monde fait des Snapchat, des selfies, puis des Instagram. Alors qu'on voit Philippe Chytil. C'est quel joueur que Seb y avait dit? Nicholas Hague. Nicholas Hague. H-A. Ah, mais tu vois, l'année passée, il y a comme une espèce de recruteur qui est genre vraiment le Manitou là, de tout ça, là, qui avait prédit que le Canadien repêcherait Sergachev au 9e rang, puis qui avait dit que le Canadien repêcherait Nicholas Hague okay. cette année. Fait que, est-ce que ça va être le cas? Je sais pas, on a vu Marc beaucoup écrire des mots sur son papier tantôt, fait que c'est à voir. Là. Je sais pas s'il joue au tic-tac-toe avec lui-même. Ouais, peut-être. Il essaie de comprendre les règlements, je dirais. Nicholas Hague, c'est un défenseur qui joue pour la Ligue de l'Ontario et qui est très gros. Et puis qu'on dit que c'est un défenseur qui pratique le même style que Shea Weber. Oh, ce serait un bon fit, ça. Alors, ça s'en vient. Ne perdez pas patience, tout le monde, ça s'en vient. Un autre Tchécoslovaque qui vient de Zlin. Un ailier gauche de 6 pieds, 178 livres. C'est un Tchèque junior. C'est tout autour de 6 pieds, 178, 175, 180. Ils ont pas mal tout le même profil. Ouais, ça se ressemble beaucoup. Est-ce que c'est une nouvelle tendance dans la Ligue nationale, des joueurs plus petits, plus rapides probablement? Ouais, c'est vers là que ça s'en va. La rapidité. C'est plus on se grossit, on frappe, on devient gros. On se grandit. Alors, Chris, tout d'un coup, je remarque que Louis-Jean il est extrêmement bronzé. Hein? Puis aussi, qu'il pense que son soleil, c'est certainement pas au Québec. C'est probablement au Cabanasol à Delson, où ce qui se fait faire des séances de 30 minutes avec des petites bobettes en legging. Ah, c'est Louis-Jean. Mon Dieu. Ça, c'est un genre de gars, là. Il est fin. Chris, c'est pour attirer un public féminin, mais... On a manqué qu'on pouvait interagir avec les experts. Michael Lalancette, at M Lalancette TVA. Si on avoir ça, on aurait juste fait ça toute la soirée. Je ne peux pas dire le mot Lalancette sur Twitter. Je n'ai pas le droit. T'es barré de Lalancette parce pour l'avoir fait pleurer. Non, il a bégayé et pleuré en m'envoyant des messages. Puis il doit se dire « Mais nanitigulé, là! » Mon Dieu. Ça s'en vient bientôt le Canadien. Je m'appelle Michael Lalancette! Check ton téléphone. Si bon. Mais c'est ça qu'il a dit à mes contacts. Ouais, mes oreilles. Alors, René Chénier, encore là, que d'après moi, il a passé son heure pour aller se coucher. il dit, ah, au moins, j'aurais fait ce choix-là. Ça fait 10 ans que t'es plus là. Alors, Lipanov. Alors, qui seront GF les prochains? On est rendu au 22e rang. Donc, les Oilers d'Edmonton qui parlent. Les Oilers d'Edmonton, dans le fond, j'avais noté qu'il y avait beaucoup de rumeurs envers Jordan Eberle. Le prochain, est-ce que Ryan ou Jim Hopkins quittera le navire? À voir. Je pense alors que qu'on voit la craque dedans de Mikael. Y a-tu les yeux qui sont croches? Ben, c'est, je pense que oui. Moi, je pense que quand il se fâche, t'es peur, hein? Ah, ça doit pas être beau à voir, pour vrai. Puis je suis sûr que s'il se fâche puis il bouge sa tête à plusieurs reprises, ses cheveux ne bougent pas. Il doit t'en crisser des bouteilles de Sprinette là-dessus. Hein? Ah, ça doit pas être bon pour la couche d'ozone. Terrible. Tu peux affecter la couche d'ozone avec une bouteille de Sprinette? Ça, c'est vrai, ça? Ah ouais, mais oui. C'est pas bon, man, du Sprinette, là. C'est fucking hideous. Faudrait dire ça à Alain Chenet. Avec ses cheveux qui... Oh, il dort. Il vient... Oh, power nap. Oh, il vient de se réveiller. Alain Chenet qui fait des petits sommes quand il n'est pas à l'écran. Mais on l'a vu, mais les cheveux brillaient. Ah, l'ancien DG de Gretzky. Ben non, c'est pas Gretzky. Il est peigné de même. Non, à côté. Ah oui, c'est Gretzky. J'étais comme Chris... Non, pas le gros afro roux, là. Ça m'a passé à un gars qu'on allait au cégep. Pas au cégep, mais au secondaire. T'en souviens-tu, on avait un gars avec un méga afro roux. Ouais, de la belle époque. Ah, mon Dieu. Ça aurait dû rester à cette époque-là, d'ailleurs, les afro roux. Ouais, il y avait juste lui qui avait le doigt d'emporter. Alors qu'on voit encore les choix à gauche, là, sur l'écran TV Sport, Maxime Comtois, Cole Lind. Ils mettent des prospects, mais ils disent pas dans quel rang qu'ils ont classé, par exemple. C'est comme aléatoire, leur affaire, là. Pogo Kagev qui est un joueur qui jouait pour Prince-Georges dans l'Ouest canadien. Alors, on voit Wayne qui s'amène avec une main dans la poche. Qu'est-ce qu'il y a dans sa poche? Les choix de Bergevin. C'est ça qu'il y a dans sa poche, probablement. Doit être spécial, pareil. Tu es repêché par les Oilers Edmonton puis Wayne Gretzky te serre la main. Ça, c'est... Moi, je pense que juste pour ça, c'est un beau geste des Oilers d'avoir invité Wayne... assister au repêchage 2017. D'autres à Montréal, c'est un feutré, un gars qui a l'air extrêmement malade. Deux gars avec des bras beaucoup trop gros. Ouais. On sait toujours pas pourquoi. Son pipe est de même, sa sauce, Timmins. Mais je pense que c'est une obligation. Tu trappes le Canadien, il faut que tu t'entraînes 7 fois par semaine. Je pense que c'est des bodies d'entraînement, Timmins. C'est ça, puis ils disent, quand tu portes ton polo, mais il faut que ça soit serré dans les bras, sinon... Même si tu as du large, il faut que ça te pète sur le corps. Ah ouais, sinon, gratis. Sinon, faut que tu passes dans la sécheuse. Alors, Peter Cherrelly, qui a eu le gars de s'échanger Jordan Eberle, que je lève mon chapeau, c'est un bon move. Et puis, qu'est-ce qu'il y a Chris Russell pour 4 ans? On voit ici, alors, mon choix. Alors, je veux féliciter les pingouins, puis là, je repêche lui. Mais, ouais. Kyler Yamamoto. Ah, ben là... Yamamoto, le premier Chinois à jouer en Alberta. C'est un Chinois, ça? Ouais, son père est Chinois. Sa mère est ontarienne. Le mélange... Peut-être pas ontarienne, mais je sais que son père est Chinois, puis sa mère n'est pas Chinois. Noire, chinoise. Alors, mais en tout cas, c'est un beau mélange, tout ça. Ouais, ils disent que c'est un jeune de talent. Yamamoto. 5 pieds 8, 153 livres, pas très grand. Hey, c'est pas très grand, c'est pas très gros, ça, là, pour vrai. Non, mais ils disent que c'est le premier Johnny Gaudreau. Faudrait que son père, il tape pas trop fort dans le dos, il pourrait y fendre une côte, là. Puis avec l'équipe qu'ils ont à Edmonton, avec l'offensive, tout ça, je pense que c'est un gars. Tu vois, même eux autres, ils se comparent à c'est Johnny Gaudreau. C'est qui le gars qui a les petits becs dans le cou, en passant, là? Je pense que c'est son... C'est-tu un Chinois? Si c'est un Chinois, c'est son père. Ben, son père, c'est lui qui a frappé dans le dos vraiment fort, que j'ai peur qu'il pète une côte, là. Un Chinois? Ouais, mais c'était un Chinois. C'était une saison. C'est un Chinois américain un peu, là, tu sais, un petit peu baquet, là. Ah, ok, c'est pas un Bruce Lee, là. Non, c'est plus un Gangnam Style qu'un Bruce Lee. Comme le partner de. C'est pas correct ce qu'on dit, là. Le partner de Doctor Strange, le gars qui travaille à la bibliothèque, là. Bono. Ouais, un peu, là. Ah, c'est elle, sa femme. Ah, oui. Ouais, elle dit qu'elle aime bien ça. Elle est bien contente que son fils soit là. Elle a suivi l'exemple de la femme Bruce Lee. Alors, les Oilers repêchent Killer Yamamoto. Man, Seb, il dit que Yamamoto, il a 99 points en 65 games. Ah, il a un talent offensif, ça, là. Malade. C'est pour ça que je pense qu'avec les Oilers, ça pourrait être intéressant. Un Connor McDavid. Ah, là, tu le vois, je le reconnais. C'est Gin. Non, c'est pas ça. C'est quoi son nom, aussi, le gars qui s'est fait smasher à la tête, là? John Lynn. C'est quoi son esti? Non, pas lui. Non, non, non. Je fais pas référence à la vraie vie, là. Okay. Dans Walking Dead, là. Glenn? Oui, Glenn! Fuck! Non, non, c'était pas voulu. C'était négatif. Alexandre Girard dit que le gars est à peine plus grand que Batman. Ça part bien. Batman, qu'on vous rappelle, qui est 4 pieds 8, là. Ça pointe des pieds. Ça pointe des pieds, avec des talons hauts. Fait que après la pause en ce moment qui est à TVA Sport, je pense qu'on va se rendre jusqu'au Canadien. Oui, parce que là... On est rendu à 23-24 et on va finir à 25. C'est le Wild du Minnesota qui vont... Vas-y, mon Marc, si t'es capable. Ah ouais, repêche-nous un gars puis fais-nous un trade. Le Wild qui s'en est en négociation avec Alex Galchenyuk qui sont prêts... Écoute, il y a un défenseur qui nous intéresse, ça a l'air là-bas, Marco Scandella. Jonas Brodin, est-ce qu'il va se passer de quoi? J'en ai aucune idée. Ça a l'air que les prix demandés seraient des choix repêchage. Rendu là, je pense pas que Marc va donner son premier choix. Il veut-tu donner son premier choix l'année prochaine? J'en ai aucune idée. Mais le Wild du Minnesota qui ont payé un esti de gros prix. Hey, je sais même pas si c'est le Wild qui repêche en passant. Je parle du Wild de même, là, mais je sais même pas si c'est... Ben, tout à fait, c'est le Wild en ce moment. Moi qui ah, c'est ça, je parle du Wild, mais dans le fond, ils ont changé leur choix de première ronde aux Coyotes de Phoenix parce que c'est les Coyotes qui vont parler. C'est ça que j'ai écrit dans mes notes. Je m'étais trop emballé. Ben, dans le fond, c'est bref. Grave quand t'es trop bien préparé, JF. Ouais, c'est ça. Je me mets des notes puis je lis même pas mes petites notes à côté. Colin. C'est à ne pas changer de caractère quand t'écris des notes entre parenthèses. Par contre, John Wick. Ça a l'air bon, ça, John Wick. Avec Lawrence Fishburne et sa fille. Ils ont tué son chien et décidé de tuer tout le monde après. Mais, je ferai la même chose. Je ferai la même chose. Tu sais, dans le fond, encore, là, la théorie de on va chercher un gros joueur à date limite des transactions. Ouais, je pense que le Wild ont fait une gaffe avec Martin Anzal. Ils ont payé extrêmement cher, puis les Coyotes se sont retrouvés avec un choix de première ronde par rapport à ça. Et puis, même que Bruce Boudreau... Allez, c'est son livre, mais... N'a pas, encore une fois, sa malédiction se poursuit, incapable de gagner en série. Pendant qu'on attend le prochain choix, je rappelle au monde qu'on n'est pas juste deux dans ce podcast-là. Normalement, c'est un travail d'équipe, en fait. On est six réguliers dans la soirée du podcast. Donc, toi, moi, JF, on est là. Il y a Dave Thibodeau qui est là avec nous autres, Martin Véron, Alex Galipo et mon frère Alex Combe qui est là à temps très, très partiel quand il n'est pas sous. Ah, c'est Anthony D'Angelo, excuse-moi, Jeff. Donc, c'est juste pour expliquer s'il y a des nouveaux venus qui nous écoutent en ce moment. D'habitude, c'est pas le format habituel de la soirée du podcast. On ne couvre pas d'événements en direct normalement, sauf là parce que c'est le fun. Là. Mais en général, on est en studio dans les studios Young Media et on est entre 2 et 6 dans le podcast et on s'ostine en buvant de la bière, ce qui est parfait. Alors que encore le Golden Knights qui s'en viennent? Je peux-tu en profiter pour envoyer chier John Shaker? Ouais, vas-y. Petit fendant de calice. Tu sais, regarde, il attend même pas son équipe. Il monte tout seul sur le stage comme une graine. Il a des bas de couleur. Ça, c'est le jeune au Corsi, ça? Ouais, là, il vient d'avoir 28 ans. Il dit... Moi, j'ai plein d'argent. Alors, dans 20 secondes, on va savoir c'est le bizarre. Choix des Coyotes. Regarde, tu vois, le monde, il vient d'arriver sur le stage. Il a dit, hey, vous autres, tabarnak, vous allez rester en arrière, c'est moi, vedette, ici. Attends ton équipe, Chris, c'est tous tes pères, Sti. Ah, mais qui... ça comprend pas ça, c'est gang de parvenus. Chris de millénial. De millénial, excuse-moi. Il doit texter son paperboy pour dire, mon journal, je veux que tu me le laisses à la maison. Ils ont tous déçu Steve Madden. Seb, il dit que Nicholas Hague a retweeté le Canadien le 6 juin quand ils ont signé son partner Leblanc. Il a le goût. À voir. Leblanc, le Canadien? Le Louis? Ça a l'air. Je sais pas quoi qu'il parle. Ouais. Seb, précise-nous lequel Leblanc que tu parles parce que j'espère que c'est pas Louis. Ben, lequel d'autre qu'il y a? C'est... Ben, pourquoi il aurait... On n'a pas signé Louis Leblanc? Non, mais quand on l'avait signé, lui, il aurait retweeté le Canadien. Mais ben, ça fait longtemps, me semble. Chris, ça date de hey, c'est bronzé, 2009. Pierre-Olivier Joseph s'en va avec les Coyotes de Phoenix. Bon. Fait que un gars qui était classé... d'après moi, il doit avoir un bon Corsi pour qu'il puisse aller chercher un gars qui était classé peut-être dans est-ce les 40e. Pendant une seconde, je pensais que sa mère était hindoue. Je me demandais c'était quelle nationalité, mais ça a l'air d'être des parents d'origine africaine, quelque chose du genre. Là. C'est des, je pense c'est que c'est haïtien. C'est haïtien, OK. Hey, un petit gars propre, ça, quand même. Ouais, ben c'est ça. C'est, tout le monde aime, semble aimer sa personnalité. 181 livres, un défenseur. Écoute, un Canadien. Ça doit, regarde ça, c'est sa grand-mère, puis je pense que sa mère est à côté. Il jouait pour Charlottetown. Ouais. Ça, c'est un gars que j'aimerais savoir à Montréal, PO. Mais là, c'est ça. Il parle. TVA Sport confirme que son frère Mathieu joue pour le Lightning. Là, lui, il va jouer pour les Coyotes de Phoenix. C'est pas très excitant de jouer pour les Coyotes de Phoenix. Fait que mon GF, il reste un choix avant celui du Canadien. Donc, c'est les Blue Jackets qui vont remonter sur la scène. Et ensuite, dénouement de ce premier podcast, de la soirée du podcast de la saison 2017-2018. Et si tu me permets, le temps passe, ouais. Je vais juste me préparer à aller chercher mon call-out finger. Juste ouais, vas-y, pendant que je peux commenter ce qui se passe en ce moment. Bon, on voit Pierre-Olivier Joseph là, qui enfile le jersey des Coyotes et se serre la cravate. Contrairement à l'autre tantôt qu'on a vu qui avait juste pas de cravate là, puis déboutonné avec l'air de faire une crise cardiaque à retardement. Donc, 6 pieds 2, 180 livres, c'est quand même pas mal pour un bon défenseur, en fait, là, Pierre-Olivier Joseph. Qui aurait été effectivement probablement un bon choix pour le CH, mais bon, le bon Marc aurait été à deux doigts de l'avoir, littéralement, à deux choix, en fait. Là. À moins que son choix, c'était pas eux autres, puis qu'il voulait repêcher un autre gars, qui est Nicolas... Comment on prononce son nom? Hag. Vraiment, c'est Hag. Ah... C'est des choses qui arrivent. Ben dans le fond, POG. Vu qu'on approche bientôt à la fin, là, je vais faire un survol rapide sur toutes les équipes. Les Blue Jackets de Columbus, qui vont être encore plus forts l'année prochaine. Puis Pierre-Luc Dubois, qui a été repêché l'année passée, troisième choix au total. À surveiller. Chris, ils ont Panarin encore, je le rappelle aujourd'hui. Fait que chapeau à Jarmo Kekalainen, qui est le DG des Blue Jackets. Ensuite, le Canadien s'en vient. Pierre-Olivier est le premier Québécois choisi ce soir. Oui, c'est vrai. Félicitations, mon PO. Les Blackhawks de Chicago. Jeff, vite de même, là, beaucoup de monde parle de Marianne Ossa. C'est-tu un complot, cette affaire-là? Les allergies? Non, ça a l'air que ça arrive, que les joueurs peuvent devenir allergiques, faire des réactions au matériel ou à ce qui se passe dans le linge. Mario Tremblay a eu ce problème-là. Ouais, mais lui, c'était l'alcool puis les bleuets. C'est peut-être le bouchon. Mais l'affaire que je trouve drôle, c'est que, mettons, ça a commencé avec Martin Lemay qui a commencé à dire « Ah, c'est un complot! » Pourquoi qu'à chaque fois qu'il se passe de quoi dans le national, tout le monde appelle ça complot? Chris, me semble que si ça serait vraiment un complot, là, il se ferait pogner, esti. Batman est tellement gratin, esti. Il ne laisserait pas passer ça si c'était pas vrai, tu sais bien. Ben, c'est pour ça que j'avais la misère à le croire, mais je trouve ça triste pour Marianne, ça. Puis Chicago qui sont encore là. Mais c'est-tu une retraite ou il va revenir après ça? Je sais pas. Là. Ben, dans le fond, il est blessé pour l'année, fait que son contrat ne compte pas. Fait que ça va être à voir si l'année prochaine, il va rejouer ou pas. Là. Fait que c'est comme tu viens de sauver. T'as comme son argent qui est mis en assurance pendant un an. Fait que ça va être assez pour eux autres. Mais Stan Bowman, qui a carrément promis qu'il ferait du changement à Chicago, il l'a fait. Niklas Amerson, qui est échangé au cœur de Phoenix, il a échangé aussi Panarin pour ramener Brandon Saad. Pendant ce temps-là, il y a Marc-Antoine Godin qui dit qu'il reste encore des bons joueurs intéressants pour le Canadien. Il dit Poehling puis Vesalainen, qui était le choix de quelqu'un tantôt dans le chat. Là. Ah, mais justement, en parlant de Marc-Antoine Godin qui a fait son mock draft. Ah, Seb, il dit Stéphane Leblanc ou Stéphane Leblanc, qui joue un def qui joue à Mississauga. Ah, OK, Fiu, tu me rassures, Seb, parce que je pensais que c'était Louis. Je trouvais que le gap d'année faisait pas de sens du tout. Là. Le gars avait peut-être 12 ans quand Louis. C'est-tu Vesalainen que tu disais? Ouais. Qui dit Vesalainen puis Poehling, l'autre. Poehling, qui est un joueur de centre. P-O-E, quelque chose. Puis Vesalainen, OK, je vais lire ce que Marc-Antoine Grondin dit sur ces joueurs-là. Mais c'est lui, justement, qui dit... C'est-tu Marc-Antoine Godin ou Marc-André Grondin? Marc-André Grondin, je pense que c'est l'acteur, puis Marc-Antoine... Ouais, c'est Marc-Antoine Godin que tu cites depuis tantôt. Me mélange avec les deux. T'en as un qui est beau, puis l'autre, il est laid. Mais c'est lui qui dit que Vesalainen est encore un joueur disponible pour le CH, puis que ça serait peut-être intéressant d'aller chercher. Frolunda, ça allait être un gars de... Finlande, d'après moi. Là. Donc, ce gros attaqueur de puissance a une saison difficile à Frolunda, ce qui peut expliquer peut-être pourquoi il a baissé. Avant d'être relégué en deuxième division, les recruteurs ont entendu en vain que ses deux atouts se traduisent en buts. Ses beaux atouts. Il n'a retrouvé sa touche qu'au championnat U18. Juste un peu plus offensif que... Les Jets s'en vont sur le stage, mon Jeff. Il compare ça à Jacob de la Rose. Ah non. Hey, là, c'est excitant. Fait qu'on est à 3 minutes. Mais ils ont dit que ça peut être de la Rose qui se transforme à Rick Nash. OK, c'est à voir. Là, alors, les Jets qui repêchent en ce moment. Après ça, c'est le Canadien, mon Jeff. Finalement, toute cette attente et ce PFK auront payé. Oui, c'est ça qu'on attend. Toujours le DG, qui est un autre ami à Marc Bergevin. Toujours. Des Jets de Winnipeg. Dans le fond, si je fais... je continue avec... Vas-y, pendant qu'on regarde ça. Les Capitals qui ont signé à long terme TJ Oshie. L'affaire que je trouvais drôle, c'est que dans mes notes, j'avais écrit que les Capitals ont 12 joueurs... Nick Suzuki repêché. Ah non, excuse, c'est pas ça. Ah non, Vesalainen qui vient de sortir pour les Jets. Ah, ben le cyberbergevin. Ah! On va voir, Marc écrire quelque chose pendant qu'il y a une fille habillée avec un jumpsuit blanc. Celle qui est habillée en tout blanc, là, c'est comme... C'est ça qui est ça? C'est ça, c'est Black Widow. C'est White Widow. White Widow, ailier gauche de 6 pieds 3, 207 livres, quand même bon gabarit. Fait que c'est ça, ils disent que c'est soit un Jacob de la Rose qui pourrait peut-être devenir un Rick Nash. Fait que dans le fond, c'est un coup de dé. Ryan Poling, ça tu parles? De ce gars-là. Ah, ok, ok. Tandis que Ryan Poling, ils ont dit qu'il était l'un des rares joueurs de 17 ans évolués dans la NCAA. Sa montée en grande rapide lui a permis de jouer avec ses deux frères à St. Cloud States. Oh. Là où jouait naguère Charlie Lindgren, qui est le gardien de but du Canadien de Montréal, un des prospects. Poling n'a peut-être pas le potentiel le plus élevé parmi ceux qui sont encore sur le tableau, mais c'est un centre très fiable dans les deux sens de la patinoire. Un choix sûr. On les aime, ces joueurs-là. Fait que, bon. Moi, enfin, comme... mon GF, là, il met le jersey des Jets et ensuite, ce sera c'est le tour. Mais j'ai comme l'impression que je pense que ça va être Ryan Poling qui va être repêché. Ça ferait du sens. C'est ça, j'ai, dans le fond, quand je me dis qu'il était trompé, oh, on aurait pris Tomlin, mais finalement, c'est Poling, puis en tout cas. Donc je vois un chat avec un nœud papillon dans ton feed Twitter. Stéphane Leroux qui écrit en majuscule, je vous prédis 25e rang, Ryan Poling pour le Canadien. Stéphane RDS Junior. Ah, ben tu vois. Alors, Marc Bergevin qui s'en va en pause. Ah, sacrament, c'est vrai quand c'était pas le temps, maudit. Bon, ben en tout cas. Les astines mignons. Mais juste pour venir aux Capitals, avant de signer du TJ aussi, ils ont 11 joueurs à signer, puis le reste... 19 millions, sa masse salariale. T'es comme dans le caca. Surtout si pendant le repêchage d'expansion, tu mets le nom de Lars Eller dans ta liste de protection. Il y a même du monde, je pense, qui ont chiolé parce qu'ils disaient « Les Canadiens changent Lars Eller puis là, ils retrouvent sa liste de protection de Capros. » Ils ont fuck all, esti. Puis il faut qu'ils signent Kuznetsov en plus parce que Kuznetsov, c'est un gars qui peut valoir peut-être autour de 6 millions. Fait que sont comme dans la marde, là, les Capros. J'ai comme l'impression que leur temps a passé. Ça va être très difficile pour eux autres à travailler. Avec tout ça. Les sénateurs d'Ottawa qui vont repêcher 28e, Dion Phaneuf qui fait de l'amende. As-tu ce qui s'est passé avec Dion? Non, je sais pas ce qui s'est passé de récent. Il était supposé être exposé pour le repêchage d'expansion. Ils ont demandé, peux-tu lever ta clause de non-échange, mon Dion? Ah, puis il a dit non. Il a dit non. Puis ils ont finalement réclamé Marc Métot, qui était le gars qui jouait avec Eric Conson, que Ottawa aimait beaucoup. Et puis là, c'est la merde. Et puis j'ai même un fan des sénateurs qui est en tabarnak. Puis j'ai dit, j'espère que quand tu vas aller au centre Kanata, tu vas envoyer chier Dion Phaneuf. On voit sur notre iPad l'image du Canadien qui va repêcher bientôt. J'ai hâte de voir la casquette qui risque d'être LED avec les bandes bleues sur le côté. Yep. Alors, on va voir ce qui va se passer avec les sénateurs d'Ottawa. Pendant que Sylvain Hudon nous dit qu'il y a beaucoup de joueurs scandinaves qui sont repêchés ce soir, c'est effectivement vrai. Ben, beaucoup d'Européens, en fait. Ça a l'air d'être leur année à eux autres. Il y a eu beaucoup c'est de sexe à l'époque. En écoutant le hockey. Oui. Les Prédateurs de Nashville aussi. Si je peux parler des Prédateurs de Nashville, félicitations pour votre parcours en playoff. Mais l'affaire Subban. Le Listerine? Ce gars-là, il s'est fait interdire de parler aux médias entre le. Ben, c'est pas pour rien. Alors qu'on voit Marc en flou ici à la télévision, TVA Sport. Fait que juste ça pour dire que. Regarde. Tant mieux pour les Preds, mais là, ils ont perdu James Neal. Fait que je pense qu'ils ont encore du chemin à faire pour pouvoir se rendre où ils étaient. Mais rappelons que Subban a promis que les Prédateurs se rendront en finale de la Coupe encore la saison prochaine. Alors, Marc, qui, encore une fois, lui aussi, marche tout seul en avant, sans entendre ses amis. Puis après, il fait des Marc, c'est parce qu'il y a trop des gros quads, parce que tu fais tellement de rendement qu'il marche plus vite que les autres. Il a l'air convaincu. Moi, je vois le nom Alex Formanton. Non, mais ça, c'est les prospects à côté qui sortent, là, ça pourra pas. Alors, en direct, le Canadien repêche Ryan Poling. On sait pas. En exclusivité à la LSDP. Ouais, on vous l'aurait su d'avance si c'est ça qui sort. C'est Ryan Poling qui dans sort. Dans 45 secondes, Jeff, on va le savoir. Ah ouais, Ryan Poling qui ouais, va mon sortir. Marc, ouais, mon puis Marc. Je vous dis qu'il va porter le numéro 17. Vas-y, mon Marc. Les mains dans les poches avec les petits loafers, pas de bas. Le petit gros, c'est le fils à Trevor Timmons, qu'on le rappelle à chaque année. Chris, il a même pris de la peine d'acheter des souliers Under Armour du Canadien de Montréal. Ah, mais ça ne lésine pas sur les dépenses pour les jeunes qui amènent les bouteilles d'eau. Pendant qu'on voit Rick Dudley avec sa chemise orange flash. OK, donc on a Claude à côté de Marc, Jeff Molson qui est à côté de Marc. Tient son cash dans ses mains. Chris, dans le milieu, c'est qui? C'est-tu Stephen Waite? Je vois pas bien d'ici, alors que... Trevor Timmons... Marc s'approche ils ont du tout, micro. Ils couvrent toutes leurs graines, hein, comme si c'était au soccer puis ils faisaient un mur devant pour empêcher... Devant Joe Canadien, pick the draft, pick. Ah ouais? D'habitude, il laisse Trevor Timmons parler. Fait que je pense que Marc... Ils ont toutes leurs mains avant qu'ils cachent leurs gosses. Il y a pipi, il fait 25 choix qui... Transaction. Y a-tu un gars qui est debout? Ah ouais, dis-le, c'est vrai qu'il y a un petit peu de nostalgie pour Marc parce qu'il est de retour à Chicago, hein? Il dit... Ah, il est en train de faire un speech, là. Calais, c'est pas ça qu'on veut. Hey, je vous aime, Asti! On veut ton choix, Marc. C'est ça, c'est Trevor qui présente le choix. Fais juste dire que j'ai bien aimé mon stage à Chicago, c'est avant, Calais. The Canadiens de Montréal, Montreal Canadiens are proud to select Canadiens de Montréal. Ron Poling? Sont contents de sélectionner Ryan Poling. On sait pas, ah ouais? Qui? Ryan Poling. On attend. On ah ouais, Chris Esti. Confirmation. Ryan Poling! Vous l'avez su en primeur avec le Canadien ici à LSDP. Ryan Poling, sélectionné au 25e rang par le Canadien de Montréal. Puis juste. C'était dans les bons choix, je pense qu'il restait selon Marc-Antoine Godin tantôt. Oui, parce qu'il était classé 18e selon sa liste. Un choix qui était quand même haut, il a baissé, je sais pas pourquoi. Pauling qui évolue avec St. Cloud State University. Puis là, il a l'air d'un gars qui a l'air d'être fier, hein? Moi, je vais voir sa carrure. Je l'avais dit tantôt, mais je m'en souviens plus. C'est un gars de 6 pieds, ici. Je vais dire qu'il avait dit ça. 6 pieds 2, 183 livres. Bon, parle-moi de ça. Un centre, asti. Je gage au moins un petit 2 qu'il y a sûrement quelqu'un qui va dire de la merde. On a encore repêché un Américain. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Je m'en crisse. 6 pieds 2, 183 livres, un centre. Il a l'air d'un genre de Ryan Gosling plus jeune. Pas Ryan Gosling, Ryan Reynolds. Là. C'est vrai, il a la même coupe de cheveux. Un petit look à la Deadpool. Mais au moins, il ressemble pas à un avocat. Au moins. Mais là, ah, Marc est collé. Un joueur épais. Épais pour la carrure. Mais juste. 7 buts, 6 passes en aviser les fans. Attendez pas à voir ce gars-là dans l'uniforme du Canadien. L'année prochaine, ce gars-là va donner-y un 2-3 ans encore. Là, puis après ça, on verra ce qui va se passer. Mais c'est correct, on fait le plein. Ah, c'est drôle parce que leurs parents, j'espère qu'ils ne se font pas des selfies, mais bien prendre une photo de leur pic. Mais je suis content du choix. C'est pas. C'est peut-être pas mon choix numéro 1. Mais par contre, je pense que c'est un choix honnête. Trevor a fait un bon travail. Hey, check Claude, comment il se tient. Et quand la banane, ouais, Claude, il a perdu du poids puis il a pris du bronzage. Il sait plus trop par où se tenir. Mais tes parents semblent être très fiers. Très heureux d'aller dans une dynastie comme celle du Canadien de Montréal. Ah, puis tu vois, les bandes sur le côté, sur la casquette canadienne, pas trop pire. Non, c'est pas si pire. Mais j'achèterais quand même pas celle-là. Je trouve que c'est. Non, parce que moi, j'ai mis des casquettes avec des strap-ons. We have a trade. Pour vrai? Ben, je pense que oui. Sinon, qu'est-ce qu'il ferait là, lui? Bon, qu'est-ce que t'annonces, mon Gary? On prend une pause? On va chez Anthony? Qu'est-ce qui est arrivé, là? Pourquoi tout le monde gueule? Je sais pas. C'est parce qu'ils ont juste présenté les Blackhawks. Ah, ok. Parce que Chicago. Anyway, Jeff, c'est là-dessus qu'on va terminer. Il te restait le 30e et dernier choix qui était les Pingouins. Ça, Les Prédateurs que je voulais en venir, qu'ils ont du chemin à faire. Puis le dernier choix, c'est les Pingouins qui ont gagné une troisième coupe cette année pour Sidney Crosby. Fait que on va voir ce qui va se passer. Les Pingouins, écoute, chapeau, beaucoup de monde les croyait morts. Bravo, ouais, puis c'est Subban a réveillé l'ours qui dormait. C'est ça. Ben, tu sais, dans le fond, à un moment donné, j'espère que Subban va apprendre que ça prend peut-être un petit peu plus de maturité pour aller chercher un trophée qui est extrêmement dur à gagner. Écoute. Quand t'es en finale de Coupe Stanley, je pense que tu te dois de pas mettre de l'huile sur le feu par rapport à des rumeurs, puis. Quand il y a des niaiseries qui sortent, genre le Listerine, t'amènes pas des bouteilles de Listerine, puis tu retweets pas Listerine avec des tweets commandités, puis tu enlèves pas l'attention de la game, tu restes focus, puis c'est là que tu fais la différence entre les excellents joueurs puis les Sidney Crosby. Là. C'est ça, la maturité, les amis, la maturité est très importante. Fait qu'on verra ce qui arrivera l'année prochaine, yes. Qui va gagner la Coupe. On va suivre le Canadien de Montréal de près pour savoir ce qui se passe avec la formation. Beaucoup de travail à faire avec Marc Bergevin. Fait que JF, ça fait genre 2h15 qu'on est live. Tabarnak, il est-tu temps que je colle quelqu'un? Attends, où, tu je vais mettre, je vais te mettre ça, je savais pas si t'en avais un à soir, je vais te préparer ça. Fait que si tu fais ton call-out, vas-y mon gars. Je vais prendre le temps de caller out le 91-9, JF. Mm-hmm. Écoute, dimanche passé, Claude appelle, puis il dit « Hey, Canadiens vont échanger Alex Galchenyuk contre Nick Leddy et Antoine Beauvillier. Ça va se faire jeudi matin, mais il faut que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille travailler. » Tabarnak. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils en ont fait une nouvelle, puis tout le monde en a parlé le lendemain, puis tout le monde n'avait que ça dans les lèvres. C'était... Dans les lèvres. N'importe quoi. Là, on peut-tu... L'autre affaire aussi du 91 qui me fait chier, là, c'est que là, un moment donné, cette semaine, Michel Langevin, il a reçu un courriel, puis il prend le temps de le lire en onde pour dire « Ah, oh, Alex Galchenyuk qui est en désintox, ça fait 20 jours. Hey, » Tabarnak, asti, les gars, depuis quand que vous lisez des rumeurs ou vous commencez à faire des nouvelles avec n'importe quoi qui se dit par n'importe qui au téléphone? J'ai un défi à lancer aux auditeurs. Si vous voulez que j'appelle au 91.9 et que je fasse une rumeur de hobo, je vais passer un sondage sur Twitter, là, puis si j'ai 100 personnes qui votent, tabarnak, oui, je veux que t'appelles, je vais appeler, puis je vais vous dire c'est quand je vais le faire, il va y en avoir des auditeurs, ça va monter les codes d'écoute du 91.9, puis vous allez voir, je vais en shooter des rumeurs de marde, puis je vais leur partir des histoires, puis non seulement ça, ça va être le pre-crawl pour Mallette Enquête en 2017-2018. I'm back, motherfuckers! Vous allez voir, je suis là pour vous dire toutes les vraies affaires. Oubliez le 91.9. Oubliez Jean-Charles Lajoie avec son concours de strap coquet dans le cul. On s'en calisse. Michel Langevin, je te watch, mon esti. Tu dis de la merde, moi t'en dis de la merde, puis tu vas pouvoir le lire puis devenir populaire en plus. Et non seulement ça, l'autre Chris de cave, Georges Larac, t'as pas de source, esti! T'en as pas, tabarnak! Ça fait 10 ans que t'es retraité, pis t'as la misère à lever, c'est une caisse ou Ikea, tabarnak, parce que t'as mal au dos, Chris. C'est ça qui se passe quand je mange la salade que t'achètes dans une grange, ça fait 10 ans que c'est fermé, esti. À un moment donné, là, ça va faire le niaisage. Gonzo le clown, t'es juste un animateur. Va-t'en donc à V, tabarnak. Parle-nous, esti, du Beach Club, ou va parler de ce qui se passe avec Passion Double. T'as le style pour ça. Tes lunettes de dollars à moi sont faites pour être à TV, à Canal V, esti. Alors, sur ça, je vous souhaite un bon été et soyez à l'écoute. I'm back! All right, donc GF qui, à primeur, annonce le retour des Mallettes Enquête pour la saison 2017-2018. Ouais. Mais là, on est comme dans un avant-goût de la saison parce qu'on va être en pause pour l'été. À part l'épisode spécial qu'on va faire probablement fin juillet, là, on vous dira les dates sur notre Facebook et Twitter. Avec les gars, l'équipe complète ou à peu près, pour évaluer l'équipe du Canadien pour la prochaine saison qui s'en vient. Ça va brasser une semaine, c'est le 1er juillet même, je dirais. Sinon, entre-temps, tout l'été, suivez notre page Facebook et notre compte Twitter, mais surtout notre page Facebook, La Soirée du podcast. On a des posts à peu près à chaque jour avec des questions pour vous. Venez commenter nos posts, venez discuter. On est là pour jaser, on est là pour avoir du fun. On vous rappelle qu'on n'est pas des journalistes, puis c'est pas la prétention du podcast du tout. On est là pour dire de la merde, rire des autres joueurs de hockey, puis en fait, avoir du fun avec le hockey. Puis on veut que nos partisans s'expriment avec nous. On aime commenter, ça. Voyez un sujet, commenter dessus. On est là pour. Contrairement aux autres blogs ou whatever que vous commentez, puis qui font juste vous envoyer chier. Laissez faire Hockey 30, on s'en crie. Nous pour, autres, pour on est là pour vous écouter. Vous êtes notre voix, tu sais, dans le fond. On n'en veut pas de clickbait, on n'en veut pas de vos clics puis de votre argent. On veut vos commentaires, on veut interagir avec vous. Fait que on est là pour vous encore pour la saison 2017-2018. Alors, c'est quoi le don déjà du coup qu'on a repêché, là? Ryan Poling, le gars qui vous joue dans Blade Runner 2. Donc, ben, GF, ça fait le tour pour l'épisode 1 de la saison 2017-2018. On se revoit un peu plus tard cet été pour l'analyse du club pour la prochaine saison. À la prochaine tout le monde! Bye!